Gris dans Girondin, analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30. Pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. On est quoi là, vendredi? Voilà, je suis complètement à l'ouest. Ce vendredi donc, Bordeaux s'est qualifié hier. Vous étiez peut-être au stade pour le troisième tour préliminaire de... Je sais même plus comment ça s'appelle. Et non, hier c'était le deuxième. Mais oui, justement, si hier on y était, c'était pour le deuxième tour, c'était pas pour le troisième. Eh ben hier c'était le deuxième et on s'est qualifié pour le troisième. Ah oui, c'est pas ce que t'as dit. Bah si. T'as dit, vous étiez là hier pour le troisième tour. Non, je dis Bordeaux s'est qualifié pour le troisième tour. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va pas y faire un EPS la nuit. Donc Bordeaux s'est qualifié, c'est bien, on est content. On va évidemment y revenir durant 7h30 d'émission en direct. Après match, hein, un complet de Bordeaux-Ventspils, Pils, et gagné. Oui, Pils, remporté par les Girondins, 2-1. On parlera également, on va revenir hein, sur ce quand même qui reste la grosse actualité depuis maintenant une dizaine de jours, c'est la cession des Girondins de Bordeaux aux Américains de GACP, les déclarations du président Stéphane Martin sur la suite du Mercato 2018. Et on va attaquer l'émission dans quelques instants avec le journaliste de l'équipe Emery Ten qui suit les Girondins de Bordeaux pour l'équipe. On parlera avec lui du Mercato des Girondins, sa vision du club, du rachat, voilà, plein de choses qui nous attendent ce soir. Et puis vous, évidemment, au 05 56 35 31 31, si vous voulez réagir en direct dans l'émission. Nos amis de chatter, ce soir, ça commence à arriver petit à petit. Bonsoir à vous, vous pouvez également réagir, nous donner vos réactions en direct. On transmettra. Avec moi ce soir, voilà, on va commencer les présentations de suite. Il reste 39 secondes de jingle. On est bon. Adrien, salut Adrien. Bonsoir. Ça va mon grand, bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. C'est qualifié, tranquille. Ouais, on est qualifié, voilà. Tranquille. T'es rouge, t'es allé à la plage toi? Non, non. Je suis allé en ville et. Oui, ceci dit, avec le temps qu'il fait, t'as pas besoin d'aller à la plage hein, pour cramer. Voilà. Bonne chance d'ailleurs, hein, si vous avez pas de clim et pas de ventilateur chez vous. Bon courage. Dermatoanalyse présente. Comment vivre en cas de canicule? Celui qui vous suit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, c'est lui qui gère, comment on appelle ça? C'est notre community manager. Ouais, c'est ça. C'est Enzo. Salut Enzo. Salut tout le monde. Ça va mon grand? Ouais, bah, ça va. Hein. Alias Bobby, alias Bobiscuit, pardon. Et voilà, donc c'est lui avec qui vous. C'est lui qui vous répond sur Twitter. Quand vous, je sais pas, si les gens vous posent des questions, hein. Voilà. Quand vous l'insultez, c'est lui qui vous répond en retour et qui vous insulte également. Marco! Qui vient d'arriver pour regarder. Voilà. Et vous, bonsoir à tous. Voilà. Et ça, c'est bien parce que les auditeurs ne voient pas. Ils se disent, ah, il est prêt, il est installé, il est posé, impeccable. Je viens à peine de m'asseoir sur la chaise. À la seconde près, cette émission est une horlogerie suisse. C'est calibré à la seconde près. Enfin, à la demi-heure près, à peu près. Cyril. Salut, ça va monde. Cyril, ça ouais. Se passe bien les vacances? Ouais, on tranquille. On est comme Festina à la grande époque des années 90. Complètement drogué. La drogue, c'est mauvais pour la santé, évidemment. À consommer avec modération. Mais c'est bon pour le Tour de France. Mais c'est bon pour le Tour de France. Non, à pas consommer du tout, évidemment. Sauf si vous êtes cycliste. Le mec arrête jamais. Alors, de quoi on va parler? Est-ce qu'on avait des annonces à faire? Est-ce qu'on avait des trucs à dire? Non, je sais pas. Déjà, on va présenter Emery Ten. Donc, oui. Emery Ten a quand même écrit 3 gros articles cette semaine, donc un dimanche dernier. Mardi, on en avait parlé lundi soir sur Poyette, je crois qu'il était paru lundi cet article-là. Non, le mardi il est apparu. Le mardi, donc voilà, sur Poyette. Et ce matin, un énorme, enfin, un petit bon encart dans l'équipe sur la reprise de GACP, justement, où il parle du comment financièrement c'est possible et tout ça, c'est et grâce à King Street. Voilà. Parce que hier, je sais pas si vous avez remarqué, hier dans le communiqué de Bordeaux Métropole, une nouvelle entité est apparue dans l'acte de vente. C'est la société King Street et donc Emery en parle. Garant financier en fait. Les rois de la rue. Et c'est ceux qui vont gérer les. Et c'est pas Condé. Ah ouais, on en reparle là, non? Allez, coiffure analyse. On en fait 2 secondes là, coiffure analyse ou pas là? Comment ça se passe? Non, c'est bon. C'est une pieuvre. Il nous écoute peut-être. Ah bah alors Jules, si tu nous écoutes, appelle-nous. Change de coiffeur. Et Jules qu'on a interviewé. Appelle-nous pour nous expliquer parce que là il y a c'est pire que je pense qu'il a en face des mecs qui avaient la phobie des araignées, s'est dit je vais me faire une coupe de cheveux qui ressemble à deux trois choses à une araignée et puis non, voilà. Mais il a perdu un pari, c'est pas possible. Mais non, si je vous connaissais pas le flow à l'américaine, c'est tout, c'est juste ça. Ouais, mais il faut qu'ils comprennent le petit Jules que ici c'est pas l'Amérique quoi. Mais pas encore. Voilà, je savais que t'allais être trompé en disant ça. Complètement encore du moins. Bien, messieurs, tiens, est-ce qu'il y a du... Non, il n'y a pas de... Non, moi, j'ai des sondages. Ah, ben vas-y. Après, c'est en rapport aussi avec le match, donc... Parfait. Tout dépend si vous le savez maintenant. On a mis... Comment ? Tu peux les donner maintenant. On a fait des petits sondages sur les réseaux sans sociaux. Sans donner les résultats. Sans donner les résultats. Eh ouais, on tease. Bah, sachant qu'ils sont finis. Bah, c'est pas grave, tu les donneras après match. Bah, fin de son, vous pouvez plus y participer maintenant, du coup. Mais c'était le résultat pour savoir le flop et le top du match d'hier. Donc, ça a été assez serré quand même pour, surtout pour le flop. Après, pour le top, y en a deux qui sont sortis du lot. Et après aussi, on a posé aussi un sondage. Suite aux déclarations d'avant-match de Stéphane Martin, pour vous, est-il primordial de recruter pour passer le troisième tour préliminaire? Alors on va évidemment, reviendra aussi sur les déclarations du président. Voilà. Et là c'est, chaud. La réponse est flagrante. Il y a pas beaucoup de. Laisse tomber. Les gens, ils ont lu recruter dans une question. Oui, c'est clair. Deux fils, ils ont bien. On a dit qu'on teasait. On n'a pas dit qu'on disait la réponse, Marco. Non, mais Marc a raison. La façon dont nous aussi, peut-être, on présente nos articles ou on pose nos questions. Comme dit Marc, dès que dans une question tu mets mercato, rachat, top ou flop, de faire des sondages avec des réponses qui sont favorables ou défavorables. Il suffit que tu poses bien la question, voilà, et tu poses bien la réponse surtout. Pour bien truquer les sondages. Non, c'est pas truquer les sondages. Tiens, on a notre invité qui nous appelle. Enfin, faut espérer parce que sinon on est mal. C'est ça. Allez. Faut appuyer sur le bouton, voilà, merci Adrien. Hop là. La prochaine fois vous m'écouterez. Quand je vous dis les heures Quoi yeah. Allez, bref, c'est pas grave. Allez, on accueille au téléphone notre invité du soir. C'est le journaliste de l'équipe, Emery Ten. Bonsoir Emery. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est normal. Ça fait plaisir. Vous avez promis déjà l'année dernière et j'étais pas venu. Alors, il faut honorer un moment. Alors, je t'avoir perso. Si, tu peux me dire ce que tu veux. J'ai une mémoire de c'était moi, de mais on l'avait pas dit à l'antenne, donc. Je me rappelle pas. Mais merci beaucoup. Cyril disait, journaliste à l'équipe, donc du coup, et puis c'était une grosse semaine pour toi puisque il me semble que tu as trois articles parus cette semaine sur les Girondins, dont deux sur la reprise. J'ai tendance à dire que ça a été un gros mois de juillet quand même à Bordeaux, alors qu'il s'est pas passé énormément de choses, en tout cas au niveau des arrivées, mais même entre la vente de Malcolm à Barcelone, le rebondissement avec la AS Roma, puis la vente du club, et tout ce qui en découle derrière, avec le prix de l'achat qui est révélé peut-être le lendemain, et même le co-actionnaire qui a été, dont on a parlé aujourd'hui dans le journal, ouais, ça a été 15 jours, 3 semaines assez agitées. Et cette semaine, donc, tu as fait le buzz, on va dire, côté supporter girondin avec ton article sur Gustavo Poyet. Exactement. Donc, du coup, je récapitule ton article où on comprend qu'il y a une petite dispute en interne entre les dirigeants bordelais et Gustavo Poyet. Et puis là, hier, il apparaît un communiqué. Donc déjà, ta position, toi, par rapport à ça. La première chose, c'est que le communiqué déjà confirme qu'il y a qu'il y a quand même des dissensions en interne. Alors, j'ai vu que le club employait le terme exagéré. Pour ma part, je maintiens les informations. On avait notamment écrit que si M6 était resté aux commandes des Girondins, l'avenir de Poyet aurait pu s'assombrir. Et je le maintiens. Nicolas de Taverneau a très mal pris toutes ces sorties un petit peu médiatiques où il critiquait l'inertie des dirigeants, notamment la première, celle de la conf du 3 juillet, sa première conférence de presse de la saison, mais pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient mangé ensemble peut-être deux ou trois jours avant, et comme il l'avait dit à l'époque dans notre journal, à l'époque, Nicolas de Taverneau n'avait pas senti, en tout cas son entraîneur, aussi contrarié. Et bon, et puis après il y a aussi l'autre point qui a tendu un petit peu les deux camps, c'est le mercato, avec beaucoup de mal à s'accorder sur les dossiers. Oui, moi quand je lis ton article, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui se passent et que tu ne peux pas dire. Est-ce que je me trompe réellement? Ça dépend. Ou... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'il y a des infos que tu aurais pu avoir aussi dans et qui n'ont pas pu paraître dans cet article parce que difficilement... Ce qui est vrai, c'est que ce qu'il y a dans cet article a été vérifié et qu'il y a peut-être des choses effectivement que je n'ai pas réussi à vérifier et que du coup je n'ai pas écrites. Voilà. Et parce mais que... après, qui relève peut-être un peu de l'imaginaire aussi, parce que vous savez comme c'est aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent parfois, il faut quand même regrouper les informations pour pas publier n'importe quoi. Voilà. Et pour l'instant, tant qu'une information n'est pas vérifiée, je considère qu'elle en est au stade de rumeur. Et comme c'est pas notre boulot de vendre de la rumeur, effectivement, il y a peut-être des choses que j'aurais pu écrire que je n'ai pas écrites parce que j'en étais pas sûr. Parce que pour rien te cacher, quand ton article est sorti, ça n'a pas été une surprise de lire ce que tu avais marqué au vu des quelques informations des fois qui pouvaient traîner à droite à gauche. Aujourd'hui, il apparaît que Bordeaux a pas bien démarré son mercato pour ne pas contrarier les instances girondines, que le coach râle, mais on a l'impression que le coach oublie parfois de s'exprimer. Je prends l'exemple de ses choix à Vidéoton. Match aller dans le club où on peut pas prononcer parce que c'est trop compliqué. On a l'impression qu'il a jamais été au fond des choses. Il a laissé planer le doute. Est-ce qu'il a pas titularisé ses attaquants parce qu'il était pas content d'eux à l'entraînement, ou est-ce qu'il les a pas titularisés pour envoyer un message à sa direction? Et après ça se plaint en début juillet, la dernière sortie sur la conférence d'après-match où il dit j'ai râlé en début juillet et depuis rien n'a changé, et puis il met fin à la conférence de presse. Mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que lui s'en est expliqué hein, sur sa justification de pourquoi les vues qu'à droite et pourquoi sans carré avant-centre. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a évoqué l'expérience et la taille des joueurs. Ce qui est vrai. C'est quand même l'excuse la plus pourrie du monde, ça, quand même. Ouais, je connais des gens qui défendent l'idée de Sankaré avant-centre, qui ont vu Giroud avant-centre de l'équipe de France championne du monde et qui défendent l'idée qu'un numéro 6 ou un numéro 8 peut jouer en pointe et être utile à son équipe sans marquer de but. Mais plus sérieusement, sur Sankaré, ce qui est sûr, je ne me prononcerai pas sur les chiffres, mais sur Sankaré, sa décision a été perçue, effectivement, comme on l'avait écrit, un peu comme une manipulation de sa part, effectivement, pour éventuellement pousser pour l'arrivée d'un attaquant. Peut-être même, on me l'avait dit, mais ça je l'avais pas écrit, vous voyez qu'on parle de choses qu'on peut pas vérifier. Peut-être aussi d'un milieu de terrain axial gauche, parce que lui considère qu'il a Tchouaméni qui est axial droit, Lerager qui est axial droit, et mettre Sankaré en pointe, c'est-à-dire il y a un petit trou aussi en axial gauche. En tout cas dans la manière dont il perçoit lui ses joueurs. Nous, des derniers retours qu'on a eus, je dois t'avouer que la raison était qu'il n'était pas content des joueurs à l'entraînement. Donc, tu vois, c'est quand même vachement différent on a l'impression qu'il se sert de tout ce qu'il peut pour faire en sorte que ça aille dans son sens, dans tous les cas. Moi, je trouve le coach Gustavo Poyet, qui est déjà, je le trouve très très bon en communication. Moi, ce que je retiens aussi quand même de sa dernière conférence de presse, c'est qu'il a quand même lui aussi mis un peu d'eau dans son vin. Alors, on peut lire des messages entre les lignes. Quand il renvoie la balle, nous on a écrit que c'était Nicolas de Taverneau qui aujourd'hui avait donné l'instruction de plus forcément attendre l'aval du coach pour finaliser les dossiers vu la lenteur du mercato au début de l'été. Mais c'est un coach qui est très bon entre les lignes. Voilà, quand il renvoie la balle à Ulrich Ramé sur le mercato, on comprend entre guillemets que c'est pas forcément lui aujourd'hui qui a la main, même s'il sera consulté forcément, j'imagine quand même, parce qu'ils vont pas lui imposer des joueurs. Mais pareil dans sa conférence de presse où il dit aux journalistes, un agent qui vous parle, je veux bien, mais tous les agents qui vous parlent, j'y crois moins. Et ça c'est quand même une pierre dans le jardin des dirigeants où il estime que ça doit être eux qui. Justement, en parlant de décisionnaire à Bordeaux aujourd'hui, qui décide? Moi, c'est le gros sentiment que j'ai. Alors, je vais pas forcément jeter la pierre à Gustavo Poyet et à ses agents, mais j'ai l'impression qu'il y a trois pôles de recrutement. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Il y a la cellule avec Ramé, Camporo qui est dans son coin, qui va négocier du côté de Pedro, et plutôt les Américains qui seraient tentés, parce que les Bradarik et compagnie, c'est pas des pistes habituellement qu'on a du côté de Bordeaux. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vide à l'heure actuelle au Hayan et qu'on a un problème pour prendre des décisions. Bah, j'ai pas là. Enfin, ça sans doute. Au mois de juillet, ça a été le cas. J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins le cas. Quand je vous disais que Poyet a mis de l'eau dans son vin, ça a été aussi le cas des dirigeants qui ont quand même pris le parti de l'apaisement en publiant ce communiqué. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, a priori, si j'en prends en plus les propos du président Martin qui a annoncé des recrues d'ici jeudi prochain, qu'a priori, j'espère qu'ils sont enfin réussi à se mettre d'accord. Sur Pedro, j'ai l'impression que c'est quand même un nom qui fait l'unanimité. Par exemple, Pedro, c'est un joueur qui peut plaire aux Américains parce que c'est un jeune joueur à fort potentiel qui met des buts, où on peut espérer éventuellement une plus-value. J'ai l'impression que c'est Bordeaux a l'habitude de recruter quand même des Brésiliens, j'allais dire avec succès, mais c'est vrai qu'il y a le précédent Cafu, voire Otavio, qui fait dire que bon, méfiance quand même. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un profil qui fait l'unanimité. Après, ce qui est vrai sur Pedro, et c'est les échos moi qui me sont revenus, c'est que on me dit que ça serait peut-être trop cher pour Bordeaux. Et puis surtout, bon, on n'est pas les seuls dessus. Enfin, moi, j'ai entendu des noms de clubs. Je n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse rivaliser avec ces clubs-là. Et la dernière. Oui, mais après, il a toujours parlé du FC Séville, et ça veut peut-être dire qu'il n'a pas encore le FC Séville non plus. Et qui voudrait bien avoir le FC Séville. Ouais. Voilà, exactement. C'est possible. Sinon, je voudrais aussi revenir sur l'article, sur le fait que beaucoup de supporters ont perçu l'article comme étant un article à charge commandé. Alors, les complots, ça va vite sur Twitter. Hein, oui, commandé contre Gustavo Poyet pour M6, pour défendre M6, etc. Alors, ce qui est vrai, bon, j'ai fait mon taf, j'ai contacté quand même des gens, mais c'est pas les gens qui m'ont contacté, voilà. Mmh. Si vous voulez savoir un petit peu le sens des informations. C'est pas M6 qui m'a appelé pour me dire on va se taper Gustavo Poyet, non, quand même pas. Oui, mais comment tu as géré ça, vu que t'as pris quand même beaucoup, hein, beaucoup t'ont attaqué personnellement, alors que bon, c'est un article parmi tant d'autres. Et que étonnamment, c'est pas un article comme tant d'autres. Étonnamment, Poyet a une cote. On l'a ressenti cette semaine après cet article. Il a une cote énorme. Oui, il y a des gens effectivement qui le soutiennent. Heureusement, il a quand même. On peut discuter de ses choix, etc. Mais c'est quand même l'entraîneur qui a réussi à ramener Bordeaux en Europe, alors que la saison dernière était quand même très très compliquée. Donc il faut quand même lui reconnaître certains mérites. Mmh. Après, pour les critiques personnelles, je dois vous avouer que ça me touche pas trop, déjà parce que je regarde très peu les mentions sur Twitter, donc ça m'évite de me prendre la tête pour rien. Vaut mieux quand on est journaliste, vaut mieux. Et puis après, bon, on sait que les supporters, c'est versatile. Nous, on fait entre guillemets notre travail, c'est-à-dire qu'on relate l'information, mais c'est pas nous qui faisons l'information. Voilà. Donc, si ça a déplu aux supporters, désolé pour eux, mais effectivement, je maintiens que du côté des dirigeants, et voire beaucoup plus haut, ça a grincé des dents. Cyril. Emery, moi j'ai. Alors là, on va changer de sujet, on va passer à l'article qui est paru ce matin. Hier, il y a eu pour moi un petit événement qui a été assez important, c'est le communiqué de Bordeaux Métropole. Ouais, mais apparaît... c'est un communiqué qui datait du 27 juillet, ça, hein, c'est ça, si je comprends. Je m'en suis rendu compte, moi, hier, je l'ai vu hier. Et on apprend l'existence de King Street. Tu en parles aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Bah, King Street, moi, je trouve ça, sur le papier, c'est séduisant. Quand on voit qu'il gère une vingtaine de milliards d'euros, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire à Bordeaux. Après, je crois que King Street, comme l'explique Nicolas Terrello, c'est vraiment les garants financiers du projet de GACP, c'est eux qui vont mettre les fonds à disposition et qui ont assuré à la mairie d'avoir les mêmes garanties au niveau du loyer, au club qui toucherait bien leurs 100 millions d'euros. Donc on sait qui a l'argent, enfin. C'est un peu la société qui gère le Milan AC maintenant. Bah, c'est-à-dire que... Ouais, mais attention, parce que GACP a quand même mis de l'argent aussi. C'est juste que je pense qu'ils en ont... Ils en ont beaucoup moins. Moi, la question que je me posais, c'est de savoir si, parce que les tractations étaient quand même très très longues, c'est de savoir si King Street, ils sont allés les chercher en cours de route ou s'ils étaient là dès le départ. Visiblement, ils étaient là dès le départ, mais ça n'a pas empêché que les discussions aient été longues. Parce que un sou est un sou et qu'ils sont quand même méticulés, même s'ils ont beaucoup d'argent. Eh bien, les Américains, ils sont loin d'être bêtes, loin d'être idiots, surtout en termes de comment on appelle ça. Au niveau financier. Voilà. Oui. En termes d'économie, ils sont loin d'être bêtes. Sûr. Et comme tu dis, oui, un dollar, c'est un dollar. Hein, donc, faut pas n'importe quoi non plus. Marc, on parlait du mercato qui était bloqué. Est-ce que c'est pas aussi une des raisons qui a fait que Bordeaux n'a pas trop pris de décision, dans le sens que l'AM6 peut recruter on va dire que les Américains vont valider, mais dans la mesure où rien n'était encore acté, si M6 recrutait, c'était aussi pour leur pomme. Donc est-ce que ça n'a pas aussi fait un mercato à deux vitesses? Moi, j'ai fait une interview avec Nicolas de Taverneau dans le journal où il expliquait qu'aujourd'hui, s'il y avait plus d'entrées que de sorties, il paierait la différence. Oui, mais en début de mercato, ce qui est vrai, c'est que rappelez-vous, historiquement, il y a des joueurs qui auraient dû arriver à Bordeaux déjà. De Jong, il y avait un accord avec le joueur. Mm-hmm. Bon, il a décidé de prolonger avec le PSG. Mais c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir des recrues. Le milieu croate, Vlahović, il aurait pu venir aussi si à un moment donné il s'était peut-être décidé plus tôt et que tout le monde s'était mis d'accord pour dire bah oui c'est lui qu'on veut. Oui, tout n'est pas la faute du club non plus quoi. Non bien sûr. Non mais est-ce que ça peut aussi faire traîner? C'est pas l'unanimité. Voilà, le dossier traîne et puis d'autres clubs peuvent se positionner. Ça a été le cas aussi du latéral suisse des Young Boys Bern. Je pense que Bordeaux s'est intéressé très tôt aux joueurs et puis à force de pas se positionner parce qu'ils voulaient anticiper un départ de Sabali, d'autres clubs se sont greffés et les prix ont grimpé, c'est mécanique. Pour toi aujourd'hui, quand tu regardes le mercato bordelais, parce que Martin nous a quand même dit en une heure, pas son contraire mais presque, annonçant sur RMC que dans 2-3 jours il y aurait 3 recrues. Et en disant sur une autre interview qu'il y aurait des 3 recrues disponibles pour le match retour, c'est-à-dire dans 2 semaines. Marc, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir 2-3 recrues dans 3 jours, leur laisser 10 jours pour se mettre en canne et les avoir pour le match retour. J'ai l'impression quand même que c'est pas si maîtrisé que ça quand même. Est-ce que c'est aussi ça que tu ressens quand tu prospectes les Bordeaux? Ce qui est vrai dans les discussions, c'est qu'il y a parfois des dossiers que je considérais comme acquis, et je parle pas seulement du transfert de Malcolm à la Roma. Et on s'est rendu compte que finalement ça avait capoté pour X raisons. Moi je leur souhaite en tout cas de réussir à recruter vite. J'imagine que si le président, moi c'est aussi les sons de cloche que j'avais avant de découvrir son interview sur RMC, c'est que ça allait bouger visiblement dans les 2-3 jours, c'est ce qu'on m'avait dit. Après je savais pas si ça serait 3 joueurs dans les 2-3 jours ou s'ils arriveraient à avoir une recrue dans les 2-3 jours, ce qui est différent. Voilà. Et puis enfin Emery, toi, t'inquiète Cyril, je t'ai vu, Emery, juste t'as plus cette connaissance du milieu médiatique que nous. Faut pas être dupe. Je pense que Martin, quand il parle hier à RMC, mais je ne crois pas une seule seconde qu'il dise ça sans avoir l'accord, ne serait-ce que de son propriétaire, ou avoir au moins des informations. Je veux dire, le mec peut pas se pointer à la radio, dire salut, je suis Stéphane Martin, ouais, pas de souci, il y aura 3 recrues. Je pense que s'il le dit, c'est qu'il a au minimum. Mais Stéphane Martin, il est quand même bien informé, et c'est quand même lui qui gère les dossiers, avec Ulrich Cramé qui est à l'étranger actuellement, mais et qui ont réfère après à Nicolas de Taverneau. Mais Stéphane Martin, et heureusement qu'il est au courant des dossiers, j'imagine que s'il s'est permis de s'exprimer, ça signifie qu'effectivement il y a des choses qui sont sur le point d'aboutir. Sinon, Stéphane Martin, je vous rappelle quand même que sur le mois de juillet, on l'a quand même pas trop entendu. Il était un peu discret, ouais. Il rien fait. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, s'il parle, c'est qu'il y a effectivement des choses qui vont se faire. Sinon, il sait que ça va se retourner contre lui, parce que sinon, on parle pas. Emery, juste pour moi, ça serait deux petites dernières questions. Alors, moi, il y a une info, l'équipe là qui vient de sortir là il y a 2 heures par Bilal Ghazi. J'allais en parler. Sur un petit Nigérian qui joue à Gent, Samuel Kalou. Est-ce que tu as des échos sur lui? Parce que du coup, pour nous, c'est vrai que c'est pas forcément. J'ai vu que mon collègue m'a informé de l'information, mais moi personnellement, non, j'avais pas creusé et je lui fais entièrement confiance. Donc j'imagine que si c'est vrai. J'ai vu que ses statistiques étaient pas mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'il correspond au profil, parce que c'est vrai qu'on avait entendu par exemple du Salibur sur les ailes. Bon, même si Ben Arfa, je savais qu'il avait rendez-vous aujourd'hui, c'est pas non plus vraiment le profil recherché, mais bon, il est libre, donc c'est peut-être une opportunité. Mais c'est vrai que le profil recherché pour remplacer. Ouais, à Bordeaux. Il y avait un rendez-vous téléphonique prévu qu'il a reporté parce qu'il avait ses agents avaient rendez-vous avec les dirigeants du Rayo Vallecano. Ah. Et grosse concurrence. Bah oui, et je pense qu'il privilégiera peut-être bizarrement le Rayo Vallecano. Ah mais qu'il y aille, moi le premier, mais qu'il y aille, je l'amène avec ma 208 si Vallecano, ça me fera des vacances. Mais sur le profil, je trouve que ça correspond, parce que justement, par rapport à des Salibur ou même par rapport à des Ben Arfa, j'ai l'impression que Bordeaux, aujourd'hui, et ça correspond aussi au projet des Américains, c'est de retrouver un peu un profil à la Malcolm, c'est-à-dire profil jeune, où on peut espérer une plus-value. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'étaient positionnés sur le joueur du PSG, Bergwijn, où ils avaient proposé comme 14 millions d'euros, ce qui veut dire qu'ils ont des moyens pour recruter, ça c'est vrai. Alors pour compléter, juste pour finir, et à Marc, t'inquiète, je te vois pour la dernière question à notre invité. Emery, tes confrères de Belge du soir ont confirmé l'information de l'équipe, donc comme quoi Bordeaux aurait formulé une offre pour recruter Samuel Calu ou Calou, je sais pas comment on dit. Et il précise surtout que son actuel club, la Gantoise, ne le désire plus. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il a 6 buts, 7 passes décisives l'année dernière en championnat. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle quand un club dit bah on en veut plus? C'est peut-être pas forcément un signe que le mec est super peut-être en forme, je sais pas. Je sais pas, soit ils en veulent plus parce que ils espèrent une super plus-value, je sais pas comment ils l'avaient acheté. Un peu comme Malcolm. Soit ils en veulent plus parce que peut-être que honnêtement je connais pas le garçon hein, mais peut-être qu'il a posé des problèmes en interne, ça arrive aussi. Bachaoui avant d'arriver à Marseille, je crois qu'il était précédé d'une une réputation pas si flatteuse que ça à l'époque. Donc bon, après faut voir sur pièce. Voilà, ça peut être une énorme surprise, ça peut être un cafou. Depuis que cafou est arrivé, on sait que ça peut arriver, les flops. Donc faut surveiller. Dernière question, Marc. Ouais, la dernière question, c'est plutôt ton avis personnel. Est-ce que tu penses réellement que ce retard à l'allumage des joueurs de Bordeaux dans le mercato va leur être préjudiciable pour cette saison, ou est-ce que pour toi ça c'est pas les 3-4 matchs de début de saison qui changeront quand même fondamentalement la donne? Bah, sur le mercato, quand j'ai vu que ça stagnait, je m'étais quand même fait cette réflexion, au moins pour la Ligue Europa, parce que c'est pas non plus des foot de guerre quand ils affrontent les Lettons de Ventspils ou bon, Mariupol, faudra voir, parce que les Ukrainiens ils sont aussi en plein championnat, Moi, je considérais que sur le papier, en plus, sachant qu'ils voulaient se tourner vers un projet jeune, qui est en train de se concrétiser avec Tchouaméni, Youssouf et Koundé, qui avaient déjà émergé la saison dernière, j'étais pas inquiet pour Bordeaux. Quand vous avez encore, malgré tout, des joueurs comme Depréville, Laborde, Vada, sur le banc, je trouve que dans l'effectif, il y a peut-être d'autres clubs qui pourraient être en vieux malgré tout. Donc, bon, les recrues vont arriver, je pense qu'ils vont se faire petit à petit, mais je suis pas... C'est pas le retard pris dans le mercato qui m'inquiète, c'est plutôt de savoir comment ça va fonctionner en interne, voilà, avec le coach, avec les dirigeants, savoir aussi qui arrivera à la tête peut-être de Bordeaux lorsque les Américains seront là. Est-ce que Stéphane Martin restera? Est-ce que Ulrich Ramé restera? Est-ce que Gustavo Poyet restera aussi? A priori oui, mais voilà, c'est plutôt le flou autour de l'organigramme où je me dis que ça peut être gênant. Sur le mercato, j'ai l'impression que pour l'instant, si vous demandez à un Youssouf ou à un Tchouaméni s'ils sont contents, s'ils sont mécontents que personne soit arrivé à leur poste, je pense pas qu'ils vous diront non. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a dans tout, comme dans toute situation un petit peu comme ça, il y a des gens un peu frustrés, peut-être un peu déçus, puis il y en a aussi qui sont contents. On va pas se le cacher. Merci beaucoup, Emery. On peut te retrouver donc dans l'équipe tous les jours. Je suis pour tous les jours. Je sais pas si t'écris tous les jours dans l'équipe, mais j'ai des jours de repos. Ouais, voilà, quand même. T'as les vacances. Vous allez me relire bientôt quand même. Mais là, en ce moment, oui, je pense que là, c'est une bonne période là pour oui, toi. Oui, là. Oui. C'est nickel. Il y a peu jours de repos, mais on prendra des vacances en septembre. On peut te suivre aussi sur Twitter, peut-être. J'y connais rien. Je suis pas de ces réseaux sociaux, mais ouais. Voilà un garçon. Voilà un garçon comme moi. Merci beaucoup Emery, et puis ben, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis ben écoute, on va suivre à travers tes articles tout ce qui va se passer au club ces prochains jours. Parfait. Et puis il y a le Tour de France des clubs Bordeaux, puisqu'on fait tous les clubs de Ligue 1. Pour vous, c'est programmé dimanche. Voilà. Parfait. Et ben suivre dimanche dans l'équipe. Voilà. Merci Emery. Bonne soirée. Salut. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Hop là, on va continuer. Super petit moment, franchement. Ouais, sympa, ouais. On a appris pas mal de choses, donc du coup c'était. Attends, Adrien, j'avais coupé ton micro quand t'étais au téléphone. On a appris pas mal de choses, donc c'était sympa, ouais. Franchement, merci à lui. Et Ramé était étranger. Bon, il doit être. Soit il est avec Calou, à mon avis. Soit il est en vacances. Il cherche des mecs à Bora Bora, apparemment. Il recrute Paul. Bon, messieurs, ben voilà, premier tiers de l'émission. Arsène. Il y a Tar qui parce que Archienne, c'est. C'est plus ça, 47 histoires. Bon alors messieurs, tiens, je vous laisse le choix puisque c'est vendredi, on va parler c'est la fin d'émission. Ventspils ou les déclarations finir le mercato quand même. Bon, parce c'est quand même, il vient quand même de lâcher une info comme quoi Arten Ben Arfa, alors sans dire suivi par les journaux, mais que les gens s'en posaient la question. Moi personnellement, ça me pose un problème parce que moi quand j'ai vu Arten Ben Arfa, Marc, rassure-toi, l'équipe a sorti l'info, il est en négociation avec le Rayo Vallecano. Oui, voilà. Rassure-toi, parce que il est hors de question que ce joueur débarque à Bordeaux un an et demi sans jouer avec sa grosse tête et son caractère à la con. Je suis d'accord. Qui reste là où il est. Je suis d'accord. Donc, vraiment. Mais le problème c'est que Bordeaux ne devrait même pas prendre un contact téléphonique avec un joueur comme ça. Oui, mais parce que t'as toujours l'espoir de te dire il l'a fait une fois à Nice, est-ce qu'il peut pas le refaire? Non, mais le mec a quand refusé il arrive à Nice, il a l'année dernière de jouer au football. Marc, ça c'est notre vision à nous de supporter. Pour gagner l'argent, maintenant, je me mets dans la point de vue de dirigeants qui ont dit ok, il a fait qu'une seule bonne saison dans sa carrière. Ben Arfa, c'était à Nice et il avait pas joué depuis un an. Allez, on a oublié de... une à Hull City. Excuse-moi, Cyril. On a oublié de lui demander s'il avait d'autres infos sur Pedro ou pas. Bon, à Marseille, il a fait sa première saison, à chaque fois elle est bonne. Mais c'est moyen, c'est un paillette. Ben Arfa, c'est le joueur moyen là, quand il se bat de presque 3 mois. Non, mais à un moment donné, Seb, un gars qui te met 10 buts, c'est ton meilleur buteur à Bordeaux. Donc, bref, donc ça me dit pas ce qu'on fait. Match mais, ou mercato. Mais non, mais le truc c'est que mercato après derrière il y avait les jeux et compagnie qu'on devait faire et que les compositions qu'on n'a pas pu faire lundi. Oh, donc pétard. Moi j'aurais tout préféré faire les pits. Faire 20 pils. Tout à fait. Alors on évacue 20 pils d'entrée. On évacue 20 pils. Tout à l'heure, Enzo, tu nous as parlé de. On va commencer par ça direct. Paf. Tu nous as parlé de top et de flop, de sondage. Et ça tombe bien parce que j'ai le jingle. Pour le bon drôle est en préparation, donc pour l'instant vous en aurez pas. Par contre, quand tu nous donneras ton flop, à savoir le bide, il y a une nouvelle production GA Entertainment qui arrive. Alors, les résultats des sondages, mon petit Enzo. Alors, pour l'élection du meilleur joueur de ce match, on avait mis 3 propositions. Enfin, en clair, à chaque fois, on se concerte entre nous. On met chacun à peu près les joueurs qu'on a trouvé les meilleurs et ceux qu'on a trouvé les pires. Bon, après, bien sûr, on n'est pas forcément tous d'accord, donc on essaye de conjuguer un peu tout ce qu'on pense. Alors, on avait mis pour le meilleur joueur, on avait mis Camano, Plasil et Koundé. Et à 42%, vous avez voté pour Koundé en tant que meilleur joueur lors de ce match. Donc, je sais pas si ça vous choque. Enfin, moi, j'ai trouvé que. Bah, à partir du moment où ton attaque a été un petit peu tremblotante, que ton meilleur joueur soit un défenseur, bon. Et à noter que Plasil a eu 38%. Moi, j'ai trouvé Plasil énorme parce qu'en fait, quand j'ai regardé les matchs, je me suis dit, ok. C'est un match de préparation physique. Oui, clairement, c'est un match amical. Match amical, on en a vu, on a suivi, ça fait 9 ans qu'on les suit tous. À part cette saison, je pense qu'on les a pas trop suivis. Quand je dis qu'on a suivi, c'est qu'on allait voir des matchs. On est allé jusque dans le Pays Basque, voir des matchs, etc. On suivait quand même ce qui se passait. Tu sais que t'as pas beaucoup d'enseignements à tirer des matchs amicaux. Donc, de ça, j'en vois pas beaucoup. Il y a, cependant, certains postes ou certains joueurs où j'avais envie de voir qu'est-ce qu'ils avaient donné contre une équipe que je considère être une équipe de niveau national en France, et qui devait, pour moi, se dépasser parce que j'ai envie de dire un Sankaré, un Camano, un Pablo, un Pungé qui ont l'habitude de la Ligue 1 et l'habitude des préparations, ils ont peut-être pas envie de se cramer le début de saison. Mais un Tchouaméni, un Youssouf, j'attends plus. Et là, j'attends vraiment qu'ils jouent ce match comme si c'était le seul qu'ils aient joué de la saison. Donc, j'ai pas été enthousiasmé par la prestation de nos deux jeunes. J'ai trouvé les matchs plutôt moyennasses. C'est leur troisième match en pro. Oui, bien sûr. Donc contre une équipe de niveau national et avec un groupe qui est autre que celui de la CFA, parce que t'es quand même entouré de meilleurs joueurs. Donc quand tu tiens trop ton ballon, que tu fais pas forcément les bons choix dans tes dribbles, dans tes passes. Je vois pas pourquoi ça serait différent quand ça sera en Ligue 1. Il y a un joueur pour moi qui a surclassé cette rencontre, mais le mec, c'est le papy de l'équipe, il y avait la canicule, et puis il a mis la canicule par terre. La canicule par terre, c'est Plasil. Plasil a été sur ce match-là. Énorme, avec une très très grosse intensité. Il a baissé en fin de match et c'est plutôt normal au vu de la préparation comme physique. Comme disait Kevin, ton petit beau-frère, face à une équipe de national. Oui, à ce niveau-là physique, physiquement, il était partout. Donc, savoir ce joueur-là à cet âge-là prêt, c'est plutôt une bonne chose. La passe qu'il fait c'est pas une histoire d'équipe. C'est magnifique. Plasil, il y a le niveau physique, bien sûr. Mais l'avantage, à mon avis, qu'il a sur les autres, c'est que, avec son âge. Cheveux descente. Oui, c'est ça. Déjà, sa coupe de cheveux, il s'est coupé les cheveux, il va plus vite. Non, sérieusement, il a là, cette science du placement. Ça veut dire que, je sais pas, on n'a pas les chiffres. Mais ça, je suis pas sûr qu'il fasse plus, beaucoup, qu'il court beaucoup plus que les autres. mais il sait bien se placer tout ça. Ça, Adrien, ça a toujours existé. Tu regardes les grands joueurs, Laurent Blanc à l'époque, ou De Sailly, ils couraient pas plus que les autres. Sauf que le placement, c'est 90% du boulot quand t'es en défense ou quand t'es au milieu de terrain. Le placement, c'est 90% du taf. 80%. C'est le placement. Tu cours moins vite, tu te fatigues moins vite, tu dures plus longtemps. Mais après, sur Youssouf, ouais, c'est un peu sévère quand même sur Youssouf. On a pas encore fait le flop. Et oui, si vous parlez depuis tout à l'heure, Enzo il était encore sur les tops. Et on est sur les tops. Non, on était sur les tops et les flops et vous êtes parti sur le match. Donc il était aussi. Ah bon. Bon, mais je laisse. Voilà. Au revoir. Voilà. Merci d'être venu, monsieur. Vous pouvez rentrer chez vous. Et au niveau des flops, on en a. Stop. Parce qu'au niveau des flops, il y a un jingle. Oui, celui-là, il est prêt. Je sais que ça fait 1 sur 2, mais quand même. C'est déjà ça. Musique maestro. J'espère que ça va marcher. Qu'il faut pas voir sur un terrain de foot, c'est nul. Ça va nul. Ouais, ouais, bon. C'est sévère. Le son était un peu faible. Est-ce que vous le revoulez? C'est sévère ce jingle, ouais. pour ce match. Tout ce qu'il faut pas voir sur un terrain de foot, ouais. C'est nul. Ça va nul. Alors évidemment, c'est sur ce match, c'est pas vraiment humoristique. Évidemment, non, parce que les gens interrompent. Ah, c'est nul. Alors ils vont dire que machin, il a été nul. Non, c'est un jingle. Voilà. Vous rassurez-vous, il y a des fois dans la saison, ça va tomber juste. C'est. Vous verrez. On en reparlera dans 2-3 mois. Vous allez voir. Alors on a choisi 3 joueurs pour les flops. Alors on a mis Letchouk, Depréhu, les Aïdou. Donc bon, à savoir qu'après c'est notre vision à nous. Après, on juge le match. On juge pas la personne. On joue sur le match après. Ah ouais. Sur Twitter, ça nous parlait de Zaïdou comme quoi c'était un très bon jeune. Oui, mais sur ce match-là, il est un peu en dedans. Et surtout, c'est que dans son rôle d'ailier droit, voilà. Ça se discute. C'est ça, on juge. Après, c'est comme Letchouk qu'on critique. Après, Letchouk, nous, on juge sur le match. Il a joué à ce poste. C'est juste pour ce faire démarrer Marc, moi, j'aurais mis Camano. Non, mais Camano était très, très bon. C'est juste pour Marc. C'est quoi le vrai poste de Youssouf, en fait? Normalement, Zaïdou, normalement, il joue relayeur. Ouais. Normalement, son vrai poste, c'est 8. C'est la place de Tchouaméni. C'est ça. Avec Tchouaméni. D'ailleurs, t'as bien vu, pendant le match, Tchouaméni et Zaïdou, ils étaient toujours ensemble sur le terrain. Et Tchouaméni, généralement, lui, il est plus numéro 6 de base. Mais c'est une volonté de Poyet de le mettre là. Et donc, au niveau des résultats, vous avez élu Depréville au niveau de flop avec 48% et Letchouk avec 44%. Donc, ça se joue, c'est vraiment entre les deux. Alors, on va continuer. Bah, tiens, on va lui demander son avis. On va continuer à. Vivement la sieste. Hein. On va continuer la discussion avec Tar au téléphone. Salut Tar. Salut la Gironde. Comment ça va? Ça peut aller, on a plein d'orages là et tout. Ah bah écoute, si tu peux nous les envoyer, ça nous ferait pas de mal. Parce que là, mon pauvre, ça commence à être compliqué. J'essaie de te joindre, une fois que tu me donnes le numéro de la radio. Ah c'est possible, là je t'avoue que là, mon pauvre, on est en total blackout. J'ai retrouvé ça dans mes papiers. C'est vrai, figure-toi. Internet, tout ça. Mais c'est vrai, vraiment des orages, tu vois. C'est basta. Ça rafraîchit, mais je te dis pas. Parlons du foot, s'il vous plaît. Tiens, est-ce que t'as pu voir le match parce que c'était diffusé sur RMC Sport 1? Est-ce que t'as pu voir le match, toi, hier soir à la télé ou pas? Non, honnêtement, non. J'ai pas pu. J'ai essayé de voir partout. Franchement, ça place dans cette année-là pour les Girondins. Hein. Bon, avec un peu de chance, Bean récupère un petit peu. Non, mais vous êtes sûr que Bean récupère pas quand même peu de trucs? Mais au moins, ils sont rarement sur Canal, les Girondins, vu que ça sera tout le temps un dimanche à 17h, si on continue notre parcours à l'équipe TV. Et après, pour l'Europa League, ils parlent peut-être à un moment donné de donner des matchs à l'équipe TV. Et alors, je sais pas pour l'Europa League, ils en avaient parlé pour la Ligue des Champions. Certains matchs durant la saison seront diffusés sur les chaînes de la TNT du groupe SFR, c'est-à-dire numéro 23, etc. Ouais, mais tu te rends compte là, on est chez Orange, j'ai Beansport et maintenant je vais prendre 50 trucs. On peut parler du match, s'il vous plaît. On n'échangera rien. Donc les matchs Europa League, Ligue des Champions sont sur RMC et il faut payer RMC si on le veut. Sinon, on va au stade et sinon on écoute la radio. Sinon on a qu'une heure et demie. Donc si c'est pour perdre du temps, les enfants, sur ce genre de débat, ça sert à rien. Donc au final, t'as pas vu le match, donc on va pas parler du match avec toi. Ça va pas être d'un grand intérêt. Tu m'as l'air un peu expéditif, toi. Mais non, je veux qu'on avance et pas qu'on traîne, parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pressé. Donc, Niveau, tu veux nous appeler pour quoi, Tar? Pour le match. Pardon? Tu nous appelais pour quoi? Je veux appeler, moi, c'est surtout, voilà, c'est un peu sur... J'ai lu ou vu que Martin a lancé deux ou trois recrues, là, dans les jours à venir. Voilà, c'est pour ça que je sais pas si vous êtes informé. Oui, on en a parlé avec le journaliste de l'équipe il y a un peu plus tard que 10 minutes. Voilà quoi. Nous, quand il y a les orages, on débranche tout. Je suis désolé. Voilà quoi. Mais oui, il a parlé de 2-3 recrues, des premières recrues qui seraient, vu que c'est ça, la première partie de son discours, en fait, où il parle, il y a des recrues avant le match aller de, non, avant le match aller, il pensait qu'il y allait avoir des recrues, et après il a dit, il a confirmé derrière, il y aura 3 recrues pour le match retour, donc voilà. Vas-y, prends le téléphone, Adrien, puisque ça sonne. C'est surtout après, ce qui, là, pour le moment, ce qui traîne, c'est surtout le dossier de l'attaquant. Après, d'après ce qui se dit, c'est surtout que le numéro 6 espéré et l'ailier, logiquement, il devrait être recruté. Ah ben, c'est peut-être pour ça aussi que Martin a dit ça. Il espère les avoir aussi avant, et après c'est peut-être le dossier de l'attaquant qui va traîner jusqu'au bout. On voit avec Pedro, le truc qu'il y a, c'est que pour qu'il puisse jouer ne serait-ce que le match retour du troisième tour, il faut qu'il soit inscrit sur la liste avant le je crois que ça, avant c'est le avant le match aller. Ouais. Donc voilà, donc grosso modo, il faudrait que mardi prochain il y ait déjà les recrues. C'est ça, donc, sachant que ça va être incontrôlable parce que samedi. Parce que clairement sur le match d'hier, puisque bon, ben tard, désolé, mais on va parler un petit peu du match, puisqu'on a été là au niveau du programme. Hier, il y a quand même eu, alors je sais pas pour vous, mais un côté qui a été plus déficient que l'autre, le côté droit. Alors certes, Zaïdou est pas ailier droit, certes, Levchuk est pas arrière droit, mais quand mais c'était leur poste, on les a fait jouer ici, donc donc on doit les juger là. C'est ça, on les juge sur le poste que jouaient sur le match. Et sur ce côté droit, je suis désolé, on n'a pas eu d'opportunité et le ballon était là, mais on n'a pas pu être dangereux sur ce côté-là, alors que logiquement c'est notre côté fort. Et se baser sur un côté gauche puissant avec Pungé, il y a quelque chose qui cloche. Alors même s'il a pas fait un mauvais match hier, Pungé, encore très, une fois très bon, moi franchement je l'ai trouvé très bon. Oui, mais bon, mais à l'arrivée il y a pas de danger quoi. Très très bon. Vous satisfaisez de pas grand chose, enfin. Franchement, quand tu te tapes deux saisons avec Pelnar, Pungé et tout, il a pas fait un mauvais match. Mais non. Après de là à dire un bon match. Non, mais d'accord. Mais moi je veux dire, franchement là on a bien vu. Moi j'ai trouvé que comme tu disais, l'euro avant c'était le côté droit qui jouait vraiment en faveur des Girondins. Moi, je trouve que le côté gauche avec Camano et Pungé, ils ont pris le relais. Après, c'est clair qu'en face, c'est pas non plus un niveau incroyable, mais moi, je trouve que Camano, depuis le début de la saison, que ce soit les matchs de prépa que j'ai pu entrevoir et les matchs de Coupe d'Europe, je trouve Camano qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même que Camano, il a 22 ans, je crois, un truc comme ça. Et 22 ans, ben le mec, non, mais voilà, il a que 22 ans, le mec, il est encore jeune, donc il peut encore prouver des choses. Et il est pas encore à son apogée, je pense. Bah j'espère. Mais après sur la différence entre le côté gauche et le côté droit, c'est que c'était vraiment deux styles. Le côté gauche c'était un côté où ça percutait plus. Le côté droit est là où j'ai plutôt aimé le match qu'a fait Youssouf hier. Bien sûr, il y a eu des moments où il a trop conservé le ballon, etc. Mais alors moi c'est pas. Je suis désolé, mais pour moi hier il a joué quand même milieu relais hier. Mais on l'a toujours trouvé sous l'attaquant dans l'axe. Sauf qu'on lui demandait pas ça, on lui demandait de jouer à droite. C'est ce que là où j'avais développé, c'est qu'en fait on a eu. Alors c'est un déséquilibre, mais finalement ça allait sur le match et sur l'ensemble de la rencontre. C'est t'avais un côté où ça percutait ou un côté où et un autre côté où ça construisait plus. Vu qu'il y a eu des moments où il a failli faire des passes dés, il touche le poteau, etc. Les Tchouk, mon témoin. Voilà, c'était pas deux côtés où ça percutait. C'est clairement, ça sera pas un joueur qui percute sur le côté droit. Mais après, dans une certaine maîtrise du match, il peut être intéressant. Mais bien sûr, surtout en seconde période, à un moment où il touchait un peu trop le ballon, mais il a été quand même. Sérieux, c'est qui qui joue avec son siège depuis tout à l'heure là ? Faut arrêter, ça fait un bruit. Il a été quand même globalement juste. Surtout, il a eu un poteau, un moment le gardien qui doit sortir une parade. Non, il est intéressant. Tchouaméni, après, il a fait un match moyen, mais est-ce qu'il avait beaucoup à se montrer? Non, vu que c'était maîtrisé, etc. Le problème, c'est pas forcément de faire un match moyen. Hier, ce qu'on leur demandait, c'était d'avoir la maîtrise du ballon et de suivre une tactique qui est claire. À partir du moment où tu joues un 4-3-3 avec deux ailiers et deux arrière latéraux, tu dois passer par les ailes pour pouvoir servir ton attaquant de pointe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après que tu ça décides de rentrer sur ton faux pied ou que tu ailles centrer ou que tu fasses des dédoublements avec tes latéraux, c'est ce qu'on voulait voir. On l'a vu côté gauche, on a vu des combinaisons entre Camano et Pungé, alors qui n'ont pas forcément toujours été à bon escient parce qu'il n'y a pas forcément eu de combinaison de dingue. Mais par contre, côté droit, entre Levchuk qui est en retard sur les montées ou Tazaïdou qui est obligé de conserver la balle le temps qu'il arrive, au moins pendant une ou deux secondes avant qu'il capte qu'il faut qu'il monte, entre Zaïdou qui plutôt que de partir balle au pied, longer la ligne pour aller une fois de temps en temps aller chercher un centre, alors certes il n'est pas droitier donc c'est peut-être ça qui l'a merdé, peut-être qu'il n'avait pas la puissance ou l'accélération pour le faire aussi, bref, toujours rentrer dans l'axe. Ça fait que ce côté droit, il était désert. Et finalement, ça n'a pas été une zone de danger. Ça ressemble au côté, même si c'est pas le même niveau, ça ressemble au côté gauche de l'équipe de France qui, au cours de la Coupe du Monde, était d'un côté plus de structure, d'équilibre du terrain que offensif. Non, après sur ce match-là, il y a un joueur qui a pour moi été mais mauvais de chez mauvais. Ça reste quand même Nicolas Depréville, qui a été nul. Ah ben, moi, je suis pas d'accord. Ah ben... Je trouve qu'il a été très présent, à défaut, comme disait Cyril, d'être servi par ses latéraux. Bah, il a au moins raté tous ses contrôles. Tout ce qu'il a fait, il a raté. Tout. C'est pas un joueur de haut but, c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un attaquant qui sait jouer seul. Et non, mais tu comprends, il court pas vite et c'est pas un tout droit, donc il peut pas être. Non, mais c'est pas ça. Bon, arrête, on a jamais dit qu'il fallait courir et être un tout droit pour être bon, c'est un peu pas trop ce qu'on pense. Mais moi, je suis désolé, ça me dérange énormément de voir qu'un joueur qu'on a recruté 10 millions, qui est censé être notre meilleur attaquant en face, est vraiment pas le meilleur. Et pour moi, il est au même niveau que l'année dernière. Donc, c'est même pas une histoire de préparation, de tout ce que vous voulez. Ce joueur est pas bon. Et désolé, ce joueur-là n'a pas le niveau à l'heure actuelle pour prétendre à être titulaire à Bordeaux. Pas, sauf si on souhaite être dixième de Ligue 1, et à ce moment-là, il a le niveau. Oui, avec deux attaquants. Et surtout qu'on voit tous ces appels, ils sont faits à contre-temps. C'est pas un ailier, c'est un neuf et demi. On l'a vu, les occasions qui se procurent. Les occasions qui se procurent hier, c'est des actions de l'ailier gauche, c'est pas des actions. Et voilà, c'est ça, c'est trois frappes enroulées Soit il faut qu'il joue à deux devant, soit sur le côté. On l'a vu à Bordeaux quand il a été intéressant depuis le début de la. Quand il était à peu près intéressant depuis le début de la saison, enfin la saison dernière, c'était que quand il jouait sur le côté gauche. Ou alors sur un côté excentré, parce qu'à chaque fois qu'il jouait devant, ben c'est pas son poste, il arrive pas à s'y mettre. Après, ça pourrait être intéressant avec un mec comme Mendy ou un joueur dans ce profil, parce qu'il pourrait tourner autour avec un appui au milieu. Mais ça, c'est ce qu'on a pas en ce moment, donc c'est vrai que c'est compliqué. Tar ? Oui ? Tu parlais tout à l'heure. Je vous écoutais, là. Je sais pas si vous avez une information sur les vins que Bordeaux sur ce calou. Ouais. Alors, on en a parlé tout à l'heure, on va y revenir dans la partie transfert après. Alors bon, ça a été confirmé par l'équipe et par comment s'appelle ce journal belge dont je vous ai cité le soir, Le Seum. Qui a dit que se sont rebaptisés Le Seum. Honnêtement, on le connaît pas. Que cette piste. Après, je t'avoue que perso autour de la table, on le connaît pas. Emre Ten qu'on avait au téléphone de l'équipe, le connaît pas non plus. C'est un jeune joueur. Il a marqué 6 buts l'an dernier, a fait 7 passes D. Vu qu'il y a eu Kalou qui est sorti, après, il y a aussi la rumeur d'un joueur japonais. Oui, également. J'allais vous en parler. Tiens. De quoi? D'une rumeur d'un joueur japonais. Alors, j'ai pas le nom, autant vous dire. On n'a pas le nom qui est sorti, mais Akamata Tiramushi, là. Non, c'est Nakajima, je crois. Shuya Nakajima. Mais il est japonais. Mais qui était déjà surveillé par Bordeaux et Saint-Etienne l'hiver dernier. Et qui est un joueur du Portugal. Voilà. C'est là, imbécile, c'est l'autre derrière qui t'appelle, tu le vois pas? Trop tard! Donc, sur Nakajima, le problème qu'il y a eu, c'est que l'année dernière, il a eu une grosse blessure, il me semble. Et moi, je tiens juste à dire un truc qui vient de m'arriver juste à l'instant. Je suis assez content parce que je vous avais raconté déjà, tu sais, l'histoire avec Julien Faubert. Que je vous ai raconté, mais je viens juste d'avoir sa réponse et il m'a fait un petit clin d'œil, donc je suis content. Ah. Et à noter aussi, ça, c'est quelque chose que je vous ai pas dit. J'ai été contacté par SoFoot parce que SoFoot en fait désire faire un article et une vidéo où je rencontrerai Faubert je crois que c'est, je sais plus combien, 12 ans après sa première sélection avec l'équipe de France, pour faire un petit truc comme ça. Donc bon, d'accord. Je tiendrai au courant si jamais ça se passe, mais un t-shirt pour être sympa. Analyse. Bon, déjà j'ai mis t-shirt Bush Rigonella, donc bon. On termine sur Venpiste, les enfants, et on passe à la suite. Et on va donner surtout le mot de la fin à Tar, puisqu'on a un éditeur derrière. Exactement. Donc peut-être que tu as, on va parler tout à l'heure du mercato. De toute façon, je pense que Ben Psy, on va pas en parler pendant 3 heures. J'ai anticipé alors. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le mercato que tu n'aurais pas dit? Ouais. Est-ce que tu es confiant par rapport au fait que Bordeaux va recruter, ou est-ce qu'avec l'optique des Américains, tu penses que le mercato va être compliqué et qu'on va pas faire les coups qu'on aurait espéré? Alors je vais commencer par le second plan. Ou le premier, comme on se situe. Moi, je suis inquiet par rapport aux Américains, les Girondins. Ça, je vous le dis, cache à la radio. Mais je suis inquiet pas d'aujourd'hui, c'est plus le moment. Hein. Parce que je sens pas le truc. Je peux me tromper, j'espère me tromper surtout. Ceci étant précisé, j'espère me tromper. En plus, là, je vois que le deal, c'est avec Taverneau et Dagrosa. C'est que là, ils recrutent Bordeaux en concertation avec les Américains. Fait, je ne sais pas, est-ce que les mecs ils vont prendre, c'est inclus dans le prix de vente. Fait, il y a un bordel là, sans nom. C'est mon interrogation personnelle. Ça sera peut-être éclairci en septembre quand il y aura la conférence de presse officielle du passement. Ça a été déjà éclairci par De Taverneau. C'est De Taverneau. Moi, c'est les Américains que je veux entendre. Mais qui est. Oui, mais. Il va pas dire des mensonges en disant le prix. C'est de la com. Bon. Et enfin. Parce que Lopez, il a pas menti à lui. La version de Taverneau, c'est de dire, et comme le rappelait Emery, c'est que si il y a des excédents, ça serait les Américains devraient payer moins cher le rachat du club. Si par contre on achète plus qu'on vend, les Américains devraient payer plus cher le rachat du club. Après, sur les Américains, là, un côté rassurant qu'on a, c'est la sortie de, ils ne sont pas tout seuls et ils ont un garant derrière qui est assez important, un garant financier, King Street, qui gère de nombreux clubs, et c'est qui est un bilan financier de 20 milliards, c'est ça. Donc bon, il y a 20 milliards d'actifs, ça n'a rien à voir. Oui, 20 milliards d'actifs. Je trouvais pas le mot, mais voilà. Là-dedans, ça fait un peu forme de labyrinthe, tu vois. Ça sera pas aussi clair qu'un M6. Ça, c'est certain. Parce que normalement, une affaire, tu vends, tu achètes. Mais bon, là, Malcolm, il est inclus dans les 100 millions en plus, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est pas 100 millions, mais 60 en fait. Oui, non, mais il y a une question des prix de vente, etc. Oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire que de Taverneau, il est sympathique. Et là, il te dit qu'il veut laisser le Bordeaux comme il faut, sauf que là, en trésorerie, on est dans la merde un peu. Dans la merde, je me comprends. Au niveau recrutement, ceci est, je veux dire, par là. Parce que s'il y a le fric, plein de joueurs nous passent sous le nez parce qu'on met pas 1 million ou 2 millions de plus. Comme celui qui est à la Calvigari, là, je sais pas comment tu l'appelles, là. J'en oublie encore d'autres. Je veux dire, si on n'avait pas. Des rumeurs, il y en a plein, Tar. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait et on n'en sait pas plus. De toute façon, c'est clair que, voilà, entre tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend et tout ce qui est vrai et pas vrai, faux et pas faux, on n'a pas non plus de. Enfin. Ouais, non, mais voilà. Puis même, de toute façon, vous savez très bien comment c'est. C'est tous les ans la même histoire. À chaque fois qu'on fait des émissions ou même depuis, voilà, qu'on s'intéresse au football, c'est on entend ci, on entend ça, on entend machin, on entend un truc. Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne qui est là. On verra bien ce qui va se passer, Cyril. Donc voilà. Mais par contre, on va enchaîner tard. Par contre, donc on va te remercier. Ouais. Ok. Passe une bonne soirée. Et puis, okay. Puis à bientôt. Ouais. Ok, les gars. Salut tard. Merci. Bon courage sur Internet. Lise, ciao. Quoi? Hein? Bon courage sur Internet. Sans Internet. C'est vrai que rigolez pas, c'est ce qu'on va prendre dans la tronche dans une semaine. Oui, c'est à peu près ça. Mercredi, ils ont annoncé que ça allait tomber. Alors, les enfants, juste pour terminer sur. Est-ce que t'avais d'autres sondages, Enzo, sur Venspins? Vas-y, envoie. Attends qu'il prends le micro, retrouve. C'est... Ah oui. Ah excusez. Oh, attends. Alors on est en H+. Non, c'est que Edge. Alors, par contre, moi ce que j'aimerais qu'on nous explique, c'est quand même qu'il a un ordinateur devant lui. Mais il a fait le montage. Mais... Non, c'est une tablette avec un. C'est une tablette pareil, micro, ça. C'est une tablette PC. Une tablette avec un clavier. Clavier, bon, ouais, c'est une tablette avec un clavier. Même non, après, sur juste pour finir sur le match là, on va avoir un adversaire qui va pas être d'un niveau. Ça va être un peu 100 fois supérieur. Oui, mais ça, le boulot doit être fait par l'équipe qui s'est qualifiée en Europa League l'année dernière, même s'il manque Malcolm. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a Sabali qui est en instance de départ, mais on sait même pas si on arrivera vraiment, s'il va vraiment partir. Aujourd'hui, réellement, seul Malcolm est parti. Seul Malcolm. En titulaire. Hein. Et Bryce White en titulaire. Je parle des titulaires. Donc, il est quand même temps que ceux qui ont fait la, qui sont qualifiés l'année dernière, qui ont fait des séries, on a parlé premier du championnat, quand ça marchait bien et dernier du championnat, soient quand même capables de se mettre sur la phase premier du championnat plutôt que dernier du championnat et de gagner contre des équipes qui sont normalement à notre portée. Là, même sans recrute, tu dois passer Mariupol. Il y a même pas. C'est ça. On a géré le match pendant 90 minutes. On prend un but parce qu'on est complètement en vacances. Mais Bordeaux sur les matchs, sur le match aller-retour, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une maîtrise globale et on a accéléré quand il le fallait. Non, c'est surtout les enfants qu'on juge un match qui est plié au bout d'un quart d'heure. C'est ça. N'oubliez pas. Et même en seconde mi-temps. Au bout d'un quart d'heure, il y a plus aucun suspense. Donc en seconde mi-temps, ça. Mais il faut noter le point positif, c'est que finalement, on a toujours cette ossature qui est très intéressante. Voilà. Qui est très intéressante et qui peut nous permettre de nous qualifier. Et juste petit aparté aussi, il y a aussi le fait aussi qu'on joue les matchs à domicile, les deux matchs à domicile, enfin les matchs, les deux, le match retour à domicile, ça si fait quand même le quelque chose. À l'extérieur au départ, c'est ça, oui, même si tu fais pas le taf, oui. Après t'es quand même chez toi, t'es censé montrer quand même que t'es une. Oui, mais honnêtement, Enzo, t'étais quand même content de le recevoir avec un but à zéro, marqué à l'aller. Mais quand tu regardes Vidéotron, tu te loupes sur le match aller, mais match retour, tu sais très bien, c'est un traquenard. Tu vas jouer dans un pays, je sais pas où, sur une pelouse, d'aller cramer. Sur corner à 45e. C'est ça. Donc après, pour revenir au sondage qui a été proposé par Cyril, suite aux déclarations d'avant-match de Stéphane Martin, pour vous, est-il primordial de recruter pour passer le troisième tour préliminaire? Moi, je parlais sur Vince Pils avant de passer à la suite. Mais c'est en rapport avec ça, c'est à la suite. On enchaîne. Ah bon. Voilà, on a fait top flop, et maintenant, après les prestations, est-ce qu'il y a besoin de combler le fait que nos attaquants... Est-ce qu'on a vu la faiblesse lors de ce match? Alors, les résultats, à 80%, les gens ont répondu « évidemment ». Ce qui est quand même Vous avez étonnant. Quoi comme autre choix de réponse? Évidemment, ou pas forcément. Ouais, c'est vrai que ça... Ouais, oui, bon, bah oui, évidemment. En même temps, oui. Il n'y avait pas un... Ouais, il y avait pas un juste milieu. Peut-être, oui, non. 80% non, sur combien de gens à peu près? Le problème, c'est que t'en as besoin dans une seule information, c'est qu'il faut éviter, il faut construire un groupe. Il faut construire un groupe, il faut quand même que ce groupe ait joué quelques matchs avant le mois de septembre. Ces deux matchs-là, moi, ça me semble pas être crucial. Le match de Monaco, par contre, me demande quand même plus d'attention sur le fait que j'ai envie d'avoir des recrues pour Monaco. Même le match de Strasbourg, le match le troisième tour d'Europa League, la qualification de l'Europa League, doit être à notre portée. Par contre, attention, celui de barrage sera peut-être moins à notre portée que ça. Si tu prends, alors je sais pas qui, j'ai pas suivi les équipes qui sont potentiellement en lice pour la suite. On verra quand on y sera, si on y est. Oui, d'accord, mais enfin quand même, Marc a raison, pour passer le prochain, ça va peut-être suffire. Et même ça se trouve, ça suffira pas à un moment donné. Et puis moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément l'Europa League, mais c'est dimanche. C'est quand tu vas devoir jouer des adversaires de Ligue 1 et que tu auras un match trois jours avant dans les jambes. Et en sachant que normalement, quand tu as une équipe que tu joues l'Europa League, il te faut 20-22 joueurs pour un effectif. T'es censé avoir aujourd'hui, tu as un effectif de 8 joueurs et tu es obligé de mettre des jeunes. Oui, donc, du coup, il y a un problème. Moi, je n'ai pas le latéral. Mais attendez, les enfants, il y a quand même des gens à la tête de ce club. Ils ont vu le calendrier. Ça fait des mois qu'on sait qu'on va jouer le jeudi, le dimanche, dès le mois d'août. J'espère quand même qu'on est un club de football professionnel. Ils ont adapté la préparation. On s'est affaibli par rapport à l'année dernière, et l'année dernière, on a galéré alors qu'on n'avait pas des matchs en plus. Mais à un moment donné, c'est logique. Mais je pense que aussi les dirigeants, et c'est un problème qui s'est posé l'an dernier, c'est que l'an dernier, se voyait qualifié en phase de groupe, etc. Et en fait, finalement, on a recruté beaucoup très tôt et on avait trop de joueurs. Voilà. On n'a pas forcément recruté beaucoup. On a recruté à égale mesure de départ. Il va falloir dégraisser quand même un petit peu parce qu'on a combien 30 il disait quoi hier, même 30 ou 31 joueurs, je crois, sous contrat. C'est quand même énorme. Tiens, puisque vous avez vos petites feuilles sous le nez, et avant de passer à, on terminera avec les déclarations de Martin, de Stéphane Martin, pardon, dans Sud-Ouest. Lundi soir, voilà, vous aviez pas, oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben prends le micro, non, c'est dit quelque chose. Mais là, il a pas le droit, parce qu'Adrien il le capture le micro. Non, t'inquiète. Oui. Non, t'inquiète. Non, donc vous aviez pas eu, c'était qui, Cyril et Enzo et Adrien, c'est ça? C'est ça. Vous n'aviez pas eu le temps, on n'avait pas eu le temps. C'est vrai que c'était un peu chargé comme émission, de donner vos petits mercato GA que vous aviez fait avec 10 millions. Je crois qu'il y avait deux prêts et c'était quoi la troisième condition? C'était de rester réaliste et de se baser sur. Alors, qui veut se lancer dans ces petits résultats? Qui est chaud pour commencer? On va faire celui qui va se terminer en deux minutes avec son mercato Ligue 1. Ah, je vais vous embêter, je vais argumenter et ça va être très intéressant. Fais-le rapide. Alors, parce que pour nous expliquer que tu veux Jimmy Briand. Déjà, ça me plaît, il n'y a pas beaucoup de noms sur la liste. Déjà, sur les départs, il y a Prior, Cafu, oui. Malcolm est parti, Jovanovic en prêt, Vada en prêt, il y a beaucoup de prêts. Vada, Laborde, Nilor, Diarra, Poussin et Otavio. Donc, autant dire que c'est. C'est qui ton deuxième gardien? Parce que t'as prêté Prior et Poussin. Oui, et ben t'as Mandanda. Non mais moi je dis heureusement que... Non mais ça, non, le reste c'est quoi prête, vraiment, déjà tu pourquoi choisis t'as limité. Parce que ni Lord ni Poussin, Otavio, c'est des joueurs Prior, sur qui tu comptes. Prior et Poussin. Oui mais il coûte rien Marc. Il dégage Prior. Prior il est vendu. Oui mais ils vont te rapporter Prior, quoi? Je le vends. Ils vont te rapporter 500 000. Non mais c'est pas ça. Le truc c'est qu'à un moment c'est... Prêter un joueur, mais on va débattre au compo, hein, parce que juste pour les donner, ça sert à rien. Un mercato, une équipe, ça se construit. C'est pas juste le coup de dire ah ben ça je prête parce que plus tard. Oui, mais le plus tard, c'est derrière t'as d'autres jeunes qui vont pousser la porte, faut faire les intégrer. Tu te retrouves à un groupe de 40 joueurs. Les joueurs, à un moment, si on compte, il faut faire des choix. Soit on compte sur eux. Dans un avenir très proche, mais c'est des joueurs qui ont 19, 18, 20 ans et on peut accepter de les prêter, sinon on s'en sépare. Tant pis si on fait une erreur, mais arrive un moment, les joueurs, faut pas les conserver pour les conserver. Valentin Vada, cette année, si tu comptes pas le faire jouer, tu le vends, tu le prêtes pas, et ça sert à rien. Je vais te répondre que si tu le prêtes et qu'il fait une bonne saison derrière, tu le revendras plus cher. Oui, c'est pas faux. C'est comme Bernard Denis. Mais si jamais si il fait une saison vendu... tout pourri ou pas, tu le vendras peut-être pas. Mais arrive un moment, il faut que le joueur il parte. Il a plus de chance s'il joue dans mais un. Mais alors attends. Il y a pas un prêt, un prêt, c'est 50% de la masse salariale que tu gardes du joueur. Ça te met pas de liquidité. Ça fait un joueur qui potentiellement peut revenir l'année prochaine. Donc moi, quand on va tous ces joueurs là qu'on prête et qu'on va remplacer derrière, excusez-moi, l'année prochaine ils reviennent, ça fait Roland, on a tous flippé sa race. On était à deux doigts de se retrouver un attaquant supplémentaire sur les bras ce mercato là. Il faut que les choix soient intelligent, c'est pas une critique sur le mercato là, parce qu'en soi on s'en fout, c'est une feuille de papier, mais ça montre un petit peu comment on gère un club. Et à Bordeaux, on a l'impression qu'on fait ça des fois. Ceci dit, moi je trouve que sur les noms que t'as donné pour soit partir, soit être prêté, moi ça me. Mais finalement, moi, en prêt de joueurs qui pèseraient sur la masse salariale, t'as Jovanovic, Vada et Otavio. Otavio, je vois pas pourquoi on s'en séparait tout de suite, vu que pour moi il a le potentiel. Jovanovic, il faut qu'il joue. Et Vada et Laborde. Moi, il y a cette logique de si tu prêtes et que derrière ils font une bonne saison, tu vas mieux vendre. Et donc à la place pour les arriver. Compenser tout ça. Alors, dans mon équipe titulaire en pointe, normalement il y a Mendy, Alexandre Mendy, mais comme il est pas rétabli tout de suite et un profil assez similaire, c'est Marcos Thuram. De Guingamp. Le fils. Qui viendra pas pour être titulaire, mais qui a un profil similaire à Mendy et qui sera intéressant. Un grand attaquant qui marque pas de but. Si, il marque des buts. Ouais, oui, mais dans le profil qui correspond à la nouvelle politique du club, c'est-à-dire de jeunes, machin, tout ça. C'est la nouvelle politique en marque pas. On va voir qui tu vas nous sortir, toi. Des gars que tu allais chercher au fin fond de la Pampa. Déjà, je vais te dire, il y a déjà une de recrues qui a signé aujourd'hui, donc. Pas à Bordeaux. Non. Moi, il y avait une des Émirats Arabes Unis. Comme moi, il y avait une recrue que j'avais mis Persic de Rennes, mais il a signé aujourd'hui. Donc, après le petit tour. Donc, des jeunes français, j'ai toujours dit Guingamp, Marcus Coco et Ludovic Blas, deux espoirs français. Oui. Qui seront dans les prix, après ça dépend combien Guingamp veut les vendre. Ils sont à 3 millions pour Marcus Coco et à 5 millions pour Ludovic Blas, et tu vois, mais t'as 2 millions, c'est honnête. Il faut penser que ça sera un peu plus cher comme ça pour les jeunes. C'est des joueurs qui ont une saison voire deux saisons en Ligue 1 déjà, qui ont cette expérience là et au niveau de l'adaptation il y aura pas de soucis. Mais c'est sûr. Et qui peuvent être des espoirs, voilà, pour avoir de futurs internationaux français. Et les derniers? Et les deux derniers, c'est deux prêts, dans cette idée de gérer les relations avec les grands clubs. Mm-hmm. Alors, il y a Odegaard, qui est un nom qui est beaucoup sorti, voilà, qui est un ailier, milieu offensif, grand espoir du Real, mm-hmm. depuis longtemps. Et un qui ne se fera sûrement pas, mais c'était possible de le mettre. Théo Hernandez à gauche en prêt, vu qu'il cherche à être prêté. On l'annonce du côté de la Real Sociedad. Mais bon, sait-on jamais. Alors, moi, sur le papier, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais il y a quand même un léger petit truc qui me truque, c'est qu'on doit être à 22 ans de moyenne d'âge, là, à peu près. Grosso modo. C'est hyper jeune. Ah, mais il y a, ben finalement, il y a, tu, c'est très, très par rapport jeune. À ce que tu vends et ce que t'achètes, oui, il y a pas beaucoup de joueurs expérimentés, il y a même aucun même temps, joueur c'est expérimenté. La politique du club. C'est la politique du club, mais faudrait quand même garder 3-4 gars un petit peu, parce que là, par contre, style et Plasil dans ton équipe. Non, alors c'est quoi ton style, pardon? Alors mon style, bon, ça peut vite changer, vu que. Donc Costil dans les buts, c'est assez similaire au milieu. Chaîne. Au départ, j'avais mis Costil, Pablo Koundé, Sabali, Hernandez à gauche, en 6, Tchouaméni, en alternance avec Plasil, et après Lerager à droite que je garde, et Blas et Sankaré qui alterne, et devant Kamano, Mendy, Coco. D'accord. Voilà. Donc du coup t'aurais un banc avec tout ce qui reste, c'est-à-dire de Préville, donc de Préville, ben Marcus Thuram à place de Mendy, à droite, ben donc toujours cette possibilité de faire jouer Youssouf. Et bah écoute, c'est très jeune, mais c'est pas complètement. Alors après, évidemment, c'est ça fait pas bander, on va pas oui, se mentir, voilà, ça fait pas, ça vend pas du rêve. Mais disons parce que derrière, au niveau financier, t'as plus 41,5 millions, quoi. Tu fais un bénéfice. T'as fait un bénéfice de 40 millions, toi. Voilà, c'est ça. Ce que t'as compté. Okay. Donc c'est un effectif où ça peut respecter largement tes objectifs. C'est tu peux faire si des ça va. Non, si ça va, tu seras pas appelé pour gérer Jérôme Bando. Tu peux faire des plus-values et tout ça. Et pour cette saison-là, ça peut. Ensuite, qui veut enchaîner, Enzo ou Cyril? Allez, vas-y, moi j'y vais. Alors, attention. On va avoir de 17 ans. Non, c'est pas ça. Non, mais par contre, moi, clairement, dans ma tête, je m'étais dit, qu'est-ce que en même temps, t'as un nombre sur 30 joueurs, t'as 20 boulets. Ça veut dire que t'en as foutu la moitié dehors. Hein. Bah, oui, facile. Et il y en a deux qui l'ont oublié. mais voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que. Les heureux élus sont. Qu'est-ce que je ferais si moi j'étais directeur sportif et que je partais sur un nouveau projet? Donc je me dis, l'équipe de France est championne du monde. Première chose que je remarque, il y a aucun bordelais. Donc du coup, partir sur des recrues qui potentiellement dans 4 ans peuvent être en équipe de France. Donc là, contrairement à Adrien Blas, il fait partie de mes options. Dans moins de 4 ans, faut espérer, parce que c'est 4 ans. Donc voilà. Non mais 4 ans. Donc du coup voilà. Donc du coup, sur les départs, Prior 2 et demi, Jovanovic, Gagic, Pelnar, Levchuk, Bace, Otavio, Vada, Lerager, Cafu, Kamano, Malcolm, Laborde. Bon, ok, tout le monde. Ça part. Et en prêt, Diarra et Nilor, dont je comprends pas pourquoi on les a signés pro. Donc voilà. Donc ça, c'est les départs. Alors après, pour l'effectif, en sachant que Sabali, je suis pas sûr de pouvoir le garder à ce moment-là. Au moment où t'as fait il était potentiellement sur le départ à ce moment-là. Donc je me suis penché sur un potentiellement remplaçant. Donc et là j'ai vu la situation de Corchia à Séville, où tu te dis bon ben le mec il joue pas, il va peut-être chercher une solution ailleurs. Donc je me mets en prêt ou en transfert. En transfert. Moi je parle que de transfert. Donc Corchia 4 millions d'euros à Séville. À gauche il te faut un latéral gauche. Et là, il y a la situation de l'ancien Niçois à l'Inter qui est catastrophique, qui joue jamais, c'est Dalbert. Donc, Dalbert, T'es mauvais à Nice, Cyril. Ben, moi, j'aimais bien. J'aimais bien Nice, moi, ce qu'il faisait. Il s'est raté à l'Inter. L'Inter va sûrement chercher à le vendre. Bon, là, dans le jeu, il est quand même assez haut. L'Inter, il y a 12 millions. L'Inter, là, ils veulent se faire une équipe, mon pauvre. Donc, du coup, je me bats sur ma défense centrale de cette année, Koundé Pablo. Et là, je rentre dans ma politique de jeunes. Donc, je vais chercher des jeunes potentiellement internationaux dans 4 ans. Équipe de France. Donc, il y a Moukoudi au Havre, qui est très, très fort. Grand, puissant, bon à la tête. Et Niakate, qui est à Valenciennes. Pareil, qui est un grand défenseur gauche. Donc là, t'as Moukoudi qui est axial droit, Niakate qui est axial gauche. Donc tes 4 défenseurs centraux seraient, en plus de ces deux jeunes, Koundé et Pablo. Koundé et Pablo titulaire, et tu mets tes deux derrière qui ont 20 ans et 19 ans. Donc Moukoudi qui coûte 1 million au Havre et Niakate qui coûte 800 000 euros à Valenciennes. Est-ce que le fait d'avoir sur tes 4 défenseurs centraux 3 très très très très jeunes, c'est pas un peu... À partir du moment, le truc c'est que tu pars sur... Enfin, dans ma tête, moi Koundé, je le vois déjà comme un titulaire qui est implanté dans l'équipe. Donc je le vois pas sortir de suite. Après voilà, de toute façon les jeunes ils ont déjà, Moukoudi il a déjà 2 saisons en Ligue 2, Niakate a une saison en Ligue 2, une saison en nationale. Donc, donc voilà. Et puis ils sont internationaux 20 ans donc pour Moukoudi, 19 ans pour Niakate. Donc au milieu de terrain, il nous faut un gros 6 qui soit puissant et compagnie. Il y a Alfred Ndiaye qui a été formé à Rennes, qui a joué en Angleterre et en Espagne, donc qui est à Villarreal à l'heure actuelle, qui coûte 5 millions d'euros. Donc voilà, Fuchs qui joue à Sochaux pour le banc. Ouais. Sûr, c'est pas Fuchs. Jean-Do Fuchs. Sérieux, c'est Jean-Do son prénom. Ouais. Jean-Dominique. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière à Sochaux, donc je me dis que c'est dans un style totalement différent de récupérateur. C'est un tout petit bonhomme qui court 25 km par match. Donc voilà. Je vous rappelle ma compo. Donc c'est un 4-4-2 moi sur laquelle je partirai. C'est le 4-4-2 à la Bob, avec deux milieux défensifs et deux créateurs au milieu de terrain, parce que moi c'est ce que j'aime avoir des meneurs de jeu. Donc du coup mes deux meneurs de jeu, c'est deux prêts, deux joueurs prêtés. Donc là pour le coup, donc Adli de Paris qui a 17 ans, qui est un prodige. Oh, c'est l'équipe de U19. C'est un prodige. Non mais c'est un prodige, oui. énorme Adli. C'est vrai, en plus. Et Brahim Diaz, meneur de jeu aussi, qui joue à Manchester City, qui a fait 5-6 matchs l'année dernière avec City. Quel âge a ce garçon? Brahim Diaz, 19 ans. D'accord. Et donc du coup c'est un gaucher, donc franchement moi c'est des mecs que je rêverais. Ça me fait penser un petit peu à Ronny Lopez quand il arrive à Lille. Ouais. On est d'accord, tu parles de titulaire là toute la saison. Ah oui. Ok. D'accord. Non mais moi le truc c'est que derrière il te faut des remplaçants. Il faut partir sur ça. Ok, d'accord. Léon, mais déjà que je trouvais que c'était jeune chez Adrien, là, c'est plus que jeune, là, c'est... Non, mais devant, t'auras des jeunes, et derrière, t'auras des costauds. C'est okay. Ça. De l'expérience derrière et je te montrerai devant. Ok. Et donc, du coup, en remplaçant, donc, Wissa, qui jouait à Lorient, 1,5 million, qui a fait une saison à Lorient, qui a 21 ou 22 ans, je sais plus. Et tes deux attaquants, bon, mais là, par contre, je me suis lâché sur les deux attaquants. Ah, bah oui, j'espère quand même que t'as fait un effort sur donc, Moussa, qui a fait une excellente Coupe du Monde, qui a signé aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Oui. Il y a 10 jours, quand on a fait le jeu, il était encore à Leicester, il cherchait une solution. Ouais. Il l'a trouvé. Il est parti aux Émirats Arabes Unis. Et donc là, le bug ultime du jeu. Alors, je sais très bien que c'est pas crédible du tout, donc ne m'assassinez pas. Mais c'était avec les prix. Voilà. Qu'on proposait. Par contre, il a 6 millions dans le jeu. Donc, c'est Moussa Dembélé du Celtic. Donc, il a que 6 millions? Ah, pourquoi? En vrai, il faut 60, mais. Ils ont peut-être oublié un 0, hein, voilà. Quand on fait le truc. Il y a peut-être donc, voilà. Et donc, du coup, c'est mes deux attaquants. Mais en partant du principe que moi, je joue à deux pointes, avec deux attaquants, avec un vif et un petit peu. Je suis nostalgique de cette époque de 99, et Seb, tu l'as connu, avec Lilian et Sylvain Viltord, un grand costaud qui dévie les ballons. Et un petit vif qui court, C'est pour ça que je me tue à vous dire que Laborde ou Depréville, on doit les intégrer dans ce système-là, avec quelqu'un qui leur tourne autour. Mais, apparemment. Pas comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas Laborde et on n'a pas Lasland et pas Viltord. Ah, mais avec des talents un peu, oui, avec des talents forcément un peu moins, je suis d'accord, mais. Lasland était à 15 buts et puis Viltord à 22. Mais. Oui, bon, moi. Oui, donc, évidemment, voilà. Si on part sur oui, là, c'est sûr que ça fait mal. Et mais... donc, du coup, sur ma compo, je vais vous la donner vite fait. Donc, Costil dans les cages. Donc, Sabali à droite, Pablo Koundé d'Albert. Ndiaye Sankaré pour tes deux récupérateurs. Tes deux milieux offensifs, Adli Diaz et devant Dembélé Moussa. Ok. C'est jeune. Ouais, c'est quand même. Enfin, c'est jeune, mais t'as quand même deux. Un international devant, un international espoir, Sankaré international, Ndiaye international. Oui, d'accord, mais quand tu vas te retrouver face à. Ah, mais s'il te plaît, ouais, mais en fait. C'est coréen, je veux dire, mais ça peut-être ça manque de gars, tu sais, genre middle, un peu genre 24, 25, 27 ans. Et il y a Plazil sur le banc. J'allais dire oui parce que je me rappelais plus ceux que t'avais. Il y a tous ceux que j'ai pas dégagés qui sont sur le banc. Oui, donc bon, pourquoi pas. À retrouver toutes les images du mercato et tout sur les réseaux sociaux en direct. Sur Twitter. C'est ça. La tienne, Enzo. Alors moi je suis parti sur 7 départs, 7 arrivées. Donc au niveau des départs, Prior, tout simplement. Jovanovic, Pelnar, Cafu, Sankaré, Malcolm. Attends, Jovanovic, Pelnar, ok. Cafu, Sankaré, Malcolm. Younous Sankaré, parce que je trouve que c'est un joueur j'adore ce joueur, mais à tout moment dans la saison, il va se faire comme les dernières. Un passage à vide et il voudra plus jouer au Girondin. Donc okay. Moi, je préfère vendre tant qu'il a une cote. Et de Préville. Ok, donc là, on a notre pack de 7. Voilà, mon petit pack de 7. Et mon niveau des arrivées, alors je me suis penché sur un défenseur gauche, un défenseur central. Un milieu offensif, un milieu droit, un milieu gauche et un buteur. Donc surtout le secteur offensif. Après défensif, c'est surtout pour pallier les départs de Jovanovic et aussi de Pelnar, même s'il peut jouer partout. Alors à gauche, je suis parti sur Tony Lato. C'est un joueur qui joue à Valence, qui a fait une saison les dernières. Tony Lato. C'est ça, Tony Lato qui... Enfin, Tony Lato. C'est espacé. Ah bah oui, j'espère bien qu'il s'appelle pas Tony Lato le type. Parce que... Sait-on jamais. Et un Brésilien un peu improbable. Tu sais. C'est vrai qu'il s'appelle pas René. Mais... Ouais, j'ai pas osé la faire. Mais... Et du coup, c'est un joueur de 20 ans qui est international U20 de l'Espagne, qui est une des futures stars de l'Espagne, mais qui est quand même bloqué dans son pays. Donc je trouve que ça peut être intéressant de rechercher un joueur comme ça qui est l'avenir. C'est quand même quelque chose que recherchent les Américains en priorité. Il joue, donc du coup il est assez technique et il est vachement en mode les Tremolinas, les Mariano, vraiment offensifs et qui peuvent porter vraiment offensivement. Après derrière, comme Cyril, j'étais parti sur Harold Moukoudi du Havre, qui est quand même, on va dire, un joueur d'avenir et potentiellement qui est pas très cher et qui peut aussi pallier. Il a quand même une petite expérience déjà derrière lui. Après, au niveau des ailiers, j'ai voulu faire mon petit joueur, mes joueurs Coupe du Monde, parce que je trouve que c'est le meilleur moment pour essayer de faire des recrues en les voyant la Coupe du Monde, même si après ils ont pas forcément le même niveau. Après, attention, méfions-nous des joueurs qui se révèlent sur 2-3 matchs en Coupe du Monde. Par exemple, pour ne citer que lui, il y en a eu d'autres après. C'est ça. Alors, moi je suis parti sur un japonais, donc peut-être, je pense que non, c'est impossible, même ça va pas être celui parce qu'il a signé en juin. Enfin, juste avant, je crois, ou juste maintenant. Mais ce serait sur Takashi Inui. C'est le joueur qui m'a. C'est le joueur, voilà. Il jouait à Eibar, il était. C'était l'un des meilleurs joueurs de Eibar l'année dernière. Et c'est le joueur, vraiment, moi, qui, pendant la Coupe du Monde, il m'a fait rêver. Il est estimé à 7,5 millions, il a 30 ans. Donc il est quand même pas tout jeune. Mais ça fait quand même 5 ans qu'il joue en Coupe en Europe. Donc il a quand même le. Il peut apporter cette. Enfin, après, moi, j'ai fait un mercato assez jeune. Donc au niveau des offensifs, il peut apporter. Parce que les autres, c'était un peu plus vieux. C'est ça, il peut. Non, mais je veux dire, les offensifs sont assez jeunes. Donc il apporte quand même une expérience et il peut jouer à gauche, à droite. C'est quand même assez intéressant. Après, je vais chercher du côté de Monaco, Jordi Mboula. C'est le jeune qui a été acheté par l'année dernière par Barcelone. Enfin, à Barcelone. Qui a fait une pré-saison incroyable du côté de Monaco. Après, on l'a plus du tout vu. Il a fait 2 matchs. Il a joué les 2 derniers matchs, je crois. Ouais, il a joué. Là, il a commencé cette saison à pas mal jouer. Et c'est un joueur vraiment intéressant, je trouve. Et s'il a avec une confiance derrière lui, il peut faire quelque chose, je pense. Après, oui. Au niveau des ailiers, je suis allé chercher Albert Gudmundsson. C'est un joueur qui est. C'est un fils de Gudmund. Non, il joue au PSV. Il est pas forcément titulaire, mais il a que 21 ans. Il a un profil assez technique, assez petit, en mode un peu Ounas. Il a une faible frappe, mais après, c'est quand même un mec techniquement qui est capable de faire la différence. Il est quand même intéressant au niveau technique. Et son contrat se termine en 2019. C'est un titulaire en équipe d'Islande. Ça peut être potentiellement quelque chose d'intéressant. Sachant que l'année dernière, il a joué 27 matchs, il a mis 9 buts et 12 passes dé à 20 ans. Donc c'est quand même plutôt intéressant, je crois, à son âge. Surtout dans un championnat comme celui des Pays-Bas. Et après, devant, je suis parti sur un vrai profil qu'on n'a pas vraiment, même si Mendy est à peu près dans le même style. C'est Alfred Finnbogason. C'est l'attaquant d'Augsbourg, qui est aussi l'attaquant de l'Islande, qu'on voit depuis l'Euro 2016. Il est estimé à 12 millions, donc c'est vraiment le craquage que je mets dans le mercato. L'année dernière, il a pas joué énormément, enfin il a fait que 22 matchs, mais il a mis 12 buts, 3 passes D, il a 29 ans, Il fait 1m84, donc c'est quand même un mec assez costaud. 98 kilos. Non mais c'est quand même un mec assez costaud, assez, qui, ça, c'est, voilà, c'est le mec qu'on recherche depuis quelques années, qui pose le ballon c'est et qui. Standé, quoi. C'est ça, tu vois, genre c'est un bagarreur, tu vois. Je pense que ça pourrait être intéressant avec des mecs comme à côté, comme comme Laborde, comme Camano, des joueurs comme ça. Et je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et voilà, moi c'est niveau, pas mal vos petits au niveau des, trucs. Au niveau du, de l'argent que je dépense, je gagne 64 millions et j'en dépense 30. Ah Cyril, tiens, tu combien toi ton... Moi j'ai gagné 89 millions et j'en ai acheté pour 52 millions. Oh. Ah quand même. Ah ouais. Donc, du coup, tu gagnes 37 millions. Non, c'est bien, vous avez. Ouais, c'est resté, M6, c'est resté dans le ton de. Non, mais c'est resté dans le projet de dire les jeunes, les machins, juste, les trucs. Je tiens à dire au chat que Adli et Diaz, c'était des prêts. Oui. C'était pas forcément des achats, c'est des joueurs qui sont inachetables pour Bordeaux et pour beaucoup de clubs. C'est vrai c'est que. C'est des joueurs qui sont en devenir dans des grosses écuries, mais seulement à 17 ans ou à 18 ans que tu ne peux pas espérer une place de titulaire dans des équipes comme le PSG ou Manchester City. Donc je me dis que Bordeaux peut très bien réussir à attirer ce genre de joueurs sur un an. Vaut mieux jouer une année en Ligue 1 pour Adli ou pour Diaz plutôt que de jouer avec les 19 ans et jouer la Youth League. Alors, il reste 10 minutes. On va terminer sur l'ami, pour celui qui est toujours pour l'instant notre président, c'est Stéphane Martin et son interview dans Sud-Ouest. Juste Marc, on t'a pas entendu sur les... Non, ça t'a semblé bien, pas bien, on t'a pas entendu rapidement. Non, ça me semblait... Tu t'as rien à dire. Tu sais, les noms, non. La seule chose au final, c'est que je pense que cette année-là, j'aurais tendance à vendre et à pas forcément recruter. En gros, je ferai le service minimum. C'est-à-dire que partir avec transition. C'est-à-dire partir avec la même équipe que l'année dernière, recruter un attaquant, un ailier droit et un 6, je rajouterai peut-être un arrière gauche dedans. Pour moi, ça doit suffire à faire une saison. Au coach de pas se planter comme Gourvenec l'avait fait l'année dernière. Pour moi, l'équipe qui avait été construite l'année dernière était quand même une équipe avec une certaine qualité, pas taillée pour jouer les 4 premières places, mais pour jouer entre la 5-7. Pour moi, il faut réitérer ça l'année prochaine, cette saison. L'objectif pour moi, c'est la 5-6e place, puisqu'elles sont sûrement encore qualificatives. Et ensuite, d'avoir un an entier pour préparer les actions avec l'investissement qui va derrière. Après, si on peut faire des bons coups sur des prêts, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas la saison des attentes. On va avoir un mercato peut-être aussi intéressant à faire cet hiver avec la partie brésilienne qui aura fini son championnat. Je pense pour chercher un nouveau Malcolm. Et puis après, voilà, c'est essayer d'être intelligent au maximum dans les choix qu'on va faire. Alors, merci Marco. On va passer donc à la petite déclaration de Stéphane Martin dans Sud-Ouest, le président donc du FCGB, qui a confirmé que le club était proche enfin de recruter des joueurs. Alors, je vais vous lire les petites déclarations, c'est pas très très long. Il dit « Nous espérons que de nouvelles recrues vont arriver dans ces prochains jours. Nous sommes en phase de finalisation. Nous pensons avoir de nouveaux joueurs pour le match retour du deuxième tour préliminaire. Donc, c'est dans 15 jours, ce que tu disais Marc tout à l'heure. C'est notre staff sportif qui va décider avec l'entraîneur. » Donc, il précise quand même, voilà, tu disais Cyril tout à l'heure, qui décide de ce que dit Stéphane Martin. C'est le staff et l'entraîneur, ou les entraîneurs. Les deux actionnaires M6 et GACP travaillent en liaison pour valider les propositions. Voilà les postes ciblés, on le sait, hein, milieu défensif, attaquant de pointe, joueur offensif de couloir, et aussi on parle d'un arrière gauche pour remplacer Maxime Pouget. Faut pas oublier qu'il est suspendu pour la première journée de championnat. Théo Pelnard apparemment est touché au pied, s'est blessé au pied depuis la préparation physique. Le nom de Pedro, on l'a beaucoup entendu aussi, l'attaquant de Fluminense revient ces derniers jours, et l'équipe croit savoir que Stéphane Martin a pris lui-même les choses en main sur le dossier Pedro, jugé complexe en interne. Le club de Rio voudrait plus de 15 millions pour le buteur brésilien, et Bordeaux préparait une deuxième offre après un refus quant à la première. Ce qui est quand même énorme. C'est ce que t'as coûté, Malcolm. Si t'arrives à le revendre le même prix dans 2 ans, on dira c'est bien, c'est top. Mais c'est vrai que c'est énorme. Il a fait 6 mois. Oui, voilà, mais non, mais Marc a raison, 15 millions. Quand bien même t'as des investisseurs, t'as vendu Malcolm 40 millions, c'est quand même, faut pas se rater, quoi. Si tu prends un mec à 15 millions, faut pas se louper. La piste donc de Philippe Radaric, on l'a dit, c'est quasiment mort, hein, puisqu'il est annoncé, je sais même pas s'il y a. Mais il a fait sa visite. Il a fait la visite, mais il a pas signé encore officiellement. Mais c'est pas encore signé officiellement. Sait-on jamais. Un autre nom devrait sortir apparemment, et puis voilà, on a fait à petit peu près le tour des rumeurs et des infos. Donc sur ce que dit Stéphane Martin, déjà ça répond à une question que se posait Cyril tout à l'heure, qui dirige le staff sportif, décide avec l'entraîneur. Voilà, alors après on n'est pas obligé de croire le président, mais lui nous dit c'est le staff et c'est l'entraîneur. Il n'y a pas de... C'est les coachs, c'est les agences, c'est les... Évidemment il n'allait pas le dire, je suis d'accord. Mais tu sais, tu peux dire on le concerte. Mais deux voix contre une, c'est ce joueur que c'est, on prend ce mais, joueur quand mais même. Ça s'appelle la démocratie, mais voilà. il aurait pu dire non, c'est que Monsieur Ramé ou que l'entraîneur qui a le plein pouvoir sur le recrutement. Non, ça vous. Dans un club, t'es obligé que ça soit en concertation un minimum, même si à la fin c'est pas forcément l'entraîneur qui a, par exemple, la décision. Il faut concerter, tu peux pas dire comme ça, choisir un joueur et le jeter direct, c'est trop dangereux. Non, ça vous inspire pas plus que ça, genre il y en a deux sur les téléphones, un sur le truc, je sais pas, ça, non. Marc. Oui, non, mais je sais, je rigole. Non, après, c'est... Je sais que tu joues à Candy Crush. Sur le mercato de Bordeaux et sur la déclaration de Martin, tu l'as dit, c'est le problème, c'est qu'il va pas dire l'inverse. Pedro, il y a eu des infos comme quoi c'était fait, mais comme quoi aussi c'était limite fini. Ah bon? Oui. Oui, donc. Annoncé à 20 millions. C'est loin d'être fait. Donc bon, il peut dire ce qu'il veut. De toute façon, ils sont obligés maintenant de faire dans la com. Je serais pas étonné que le taux d'abonnement cette année soit très très bas. En plus, on n'a pas favorisé les gens à se réabonner avec la redistribution des places, avec la fin des tarifs couples. Enfin, il y a eu plein d'autres choses et le mercato qui démarre pas. Donc, il va falloir que, plutôt que parler, c'est un petit peu le même délire qu'on fait à chaque fois aux joueurs. Parle pas, agis. Et ouais, mais tout à l'heure, Emery nous le disait, Martin, on l'a pas entendu de tout le mois de juillet. Ouais, il était pour diverses raisons, oui, peut-être qu'il était en vacances, il était peut-être sur le Cap Ferry, il faisait du jet ski. Et peut-être qu'on lui a dit aussi en lieu, et peut-être qu'on lui a dit aussi, parce qu'à l'inverse, on a beaucoup entendu Nicolas Taverneau, à juste raison, puisque quand même, peut-être qu'on lui a dit aussi, oh, bon, écoute, là, laisse-moi gérer un peu la vente, machin, toi, tu t'exposes pas, et toi, tu vois ce que je veux dire? Bon. Oui, t'as raison, Marc. Au lieu de pas, évidemment, parler, oui, c'est sûr, il vaut mieux agir que parler, mais en même temps, je me dis, bon, est-ce que s'il avait rien dit, on aurait dit, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est dur aussi quand t'es président de savoir à quel moment, tu vois ce que je veux dire? Faire une sortie, dire, attends, est-ce que c'est mieux dur, maintenant? C'est dur, j'attends ou pas, le rachat. Non. Moi, ce que je vois de ce mercato, c'est que au moment où tu vends le club, tu n'as pas du tout réussi à cloisonner ton club. C'est-à-dire que ton mercato, t'as l'information de l'équipe qui te dit que le club a un peu demandé à Poyet de se taire et de se calmer et que c'était de sa faute si le mercato n'avait pas avancé. Lui, en conférence de presse, te dit l'inverse. Personne ne parle. Le directeur sportif, il dit rien. Le président, pendant deux mois, il dit rien. Non, mais voilà. Et on vend le club, mais on sait pas trop. Il y a un mois, le club, tu sais, t'as eu des deadlines, à chaque fois, ils étaient repoussés, et à la fin, ça devait limite pas se faire. Au final, ça s'est fait. Donc non, le problème du club, là, c'est encore une histoire de communication. On sait qu'on est mauvais en com, mais on est de plus en plus mauvais, quoi. Donc il va vraiment falloir, moi franchement je vous dis, cette saison pour moi c'est une saison de transition. Il va vraiment falloir que les Américains reprennent ce club en main, le restructurent entièrement, parce que c'est pas tout de l'avoir acheté, maintenant il va falloir le faire fonctionner. Et pour l'instant il fonctionne pas. Qui sur Enzo, que Adrien pour finir, non, parce qu'il est 21h30, pour finir parce qu'il est déjà 9h30. Non, bah non, mais si rien, il y a rien. Tu me dis, bonsoir et on rentre à la maison. Franchement, j'ai rien à rajouter. Dernière info en parlant de com. Oui. Sur les recrues, il faut savoir, c'est des rumeurs forcément, mais les rumeurs qui sortaient, c'est sur les deux des trois joueurs, il y aurait un japonais, donc, et un croate. Bah c'est bien. Ouais, alors là tu me fais des rumeurs de chez rumeurs. Parce non, que non, mais c'est les deux journalistes. Ah ouais, moi j'ai entendu du coup, japonais. Takalu qui est là et il est nigérien, donc c'est raté. Deux sur trois. Donc le troisième est nigérien. Moi je te dis, ça se trouve tu feras pas de japonais. Tu feras pas de croate. On n'est pas un peu mal avec notre comment on appelle ça, les hors européens là? Non, c'est bon, croate, oui, Japon. Bah des brésiliens. Non mais le problème c'est moi il y a une chose dont on parle pas parce qu'on parle de recrues. Il n'y a pas eu de départ non plus. Et c'est bon, et oui. Il y a eu 9 départs. Non, mais que. Tu n'as plus de départ, 0 arrivé. Voire même 10. Hormis le fait, si tu comptes le seul vrai départ, c'est Malcolm, parce que ah oui, Bressois était mérité. Bressois était mérité, était prêté, voilà. Donc ça compte pas vraiment. Enfin, ça compte. Contento, mais il jouait jamais, Cyril. Ouais, mais c'est des départs. Oui, mais c'est des joueurs qui jouent pas. Non, mais l'année dernière. Des joueurs de l'année dernière. Ah, alors, déjà, t'as maté les 23 Bressois. Bressois, mérité, Malcolm. 3 sur 11. Et Contento a joué aussi. Non, je sais pas. Je refais ma phrase. On a ceux qu'on savait qu'on allait perdre. C'est ça. D'accord. On n'a pas de mec qui est parti alors qu'on s'y attendait pas. Qu'on devait voir partir pour recruter à la place. C'est ça. Je veux dire, Malcolm, tu savais que t'allais le perdre. Braithwaite aussi et Maïté aussi. Donc pas. Et tu savais aussi que t'allais perdre Contento. Ok. Mais à gauche, tu devais au moins t'en séparer d'un deuxième parce que tu voulais recruter un arrière gauche. Ils sont encore là. À droite, ça a pas bougé. Dans la défense, ça a pas bougé. On a encore une pléthore de défenseurs centraux. Pablo, Koundé, Bayes. Si t'as prêté Jovanovic. T'as prêté Jovanovic. Et encore, il est pas encore parti, c'est pas officiel. Donc, il y a tout un tas d'informations. On parle du non-recrutement, mais il y a aussi des non-ventes. On doit quand même dégraisser cet effectif. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va rajouter 3 joueurs, qu'on va être au même niveau que l'année dernière, avec énormément de monde. Au même niveau, je suis pas sûr, moi. De quoi? Parce que je suis pas sûr que tu trouves un joueur aussi bon quand même. Au même niveau en termes de nombre. Ah, ouais. Poyet avait dit lui-même qu'il voulait un effectif à 25-26. Et on est à 31. Ah! La board, il est hallucinant, il veut tout en parler. Mais la board, il y a une rumeur sur la board à Angers. Ah mais ça tu vas nous faire toutes les rumeurs de merde. C'est-à-dire que Angers, t'es une poubelle à rumeurs. C'est-à-dire que Angers, arrête Foot Mercato, arrête France Angers. Football, arrête attends, Football France attends, aussi. Laissez-le. Angers, ça leur a pas suffi donc Touré et Crivelli. Non mais mais non parce que Préville, si vous voulez, il a fait une raison, il a déjà fait une saison où il a été au niveau. Non mais si moi je veux dire, si on fait un croate à un japonais et que la board part à Angers, je le respecte éternel. C'est quoi, franchement, tu fais ça, je me rase la tête. Ok. Marc. Alors tu vois, moi j'aimerais bien quand même qu'il y ait un ami bien qui vienne, tu vois. Un ami bien. Ouais, parce que tu voudrais un japonais, un croate. Non, en deux mots, un ami bien et un groenlandais, tu vois, je serais content. Au-delà de tout, je me raserais la tête. Au-delà de toute blague, honnêtement, peu importe, il peut être martien ou de la planète Vénus, j'en ai strictement rien à faire. Si bon. Tant qu'il est bon, moi je m'en fous d'où il peut venir. C'est ça surtout. L'autre, il est content parce qu'il y a un japonais, mais un croate. C'est pas ça. Il y a croatique, japonides qui arrivent et le mec est content. Un japonais, ça serait marrant parce que des bons japonais. On en a vu à la Coupe du Monde. Enzo, donc il faut que ce soit international. Donc. Ouais, juste une dernière chose à dire, c'est notre. On parlait tout à l'heure de Mancini qui a été prêté et ce soir il est en train de jouer avec Auxerre contre le Gazélec qui perd 3-1. Mais bon, il a encore joué sa petite trentaine, il est encore en train de jouer sa petite trentaine de minutes, donc c'est toujours bon à prendre. Parfait. Game over. Voilà, là on est bien, parfait. On avait 2 minutes de. Non, mais on est dans les temps. On a commencé à 0-3, ben on finit à 0-34, 33. Et une minute près, on est bon. Les enfants, donc, prochain rendez-vous, pour nous, c'est donc lundi soir, 20h, 21h30. On aura l'avant-match de. Mince, j'ai bouffé le nom. Mariupol, là. Mariupol, c'est jeudi. Les Ukrainiens. Alors, on aura un peu plus d'infos, je pense, que sur Venpils. C'est un club qui revient assez régulièrement dans les petits tours de Coupe d'Europe. Donc, on aura peut-être un petit peu plus d'informations que pour Venpils. On continuera évidemment à parler de ce qui peut se passer, des choses ce week-end, hein. On peut avoir des ventes, pourquoi pas, faut pas non plus désespérer, ça peut bouger dès ce week-end. Voilà, on se retrouve nous 20h, 21h30, je suis persuadé d'oublier des trucs, mais c'est pas grave. Non, bah oui, non, les phrases de fin, merci aux amis du chat, merci à les ultramarines en studio lundi, normalement. Bah, c'est eux qui ont demandé la date du lundi. Oui, mais normalement. Normalement, ils seront là, sauf changement. Inch'Allah. Ils sont là. Donc, on reviendra avec eux sur la saison à venir, sur la vente du club, sur leurs actions à la justice, les campagnes d'abonnement, etc. Et oui, parce qu'il y a du lourd qui va arriver aussi niveau justice et niveau condamnation par rapport à ce que l'année dernière, Strasbourg, Toulouse, Marseille et Nantes. Exactement. Merci, Marco. Messieurs, les phrases de fin. Oui. À noter que maintenant, Joey Dagrossa connaît Gironde Analyse. Et oui. Tout à fait, on essaye, on tente le coup. Juste, moi, avant de faire la phrase de fin, j'aimerais quand même dire une triste nouvelle, puisqu'il y a un cycliste. Ça va parler qu'à toi et moi, là. Mais non, mais c'est de la culture, c'est un cycliste girondin, Armand Delascovas, qui s'est suicidé aujourd'hui. Oui. À 50 ans, donc il a porté le maillot jaune, il a été champion de France de contre-la-montre. A porté le maillot jaune, je crois qu'il a porté une journée. Ouais, voilà. Bah, je me rappelle. Donc voilà, il est du coin, il est de Bordeaux, il s'est suicidé malheureusement. Donc, comme quoi, les sportifs de haut niveau, des fois, malheureusement, une pensée pour lui, pour sa famille, donc voilà. C'est toujours un peu des fois délicat de passer de la vie de sportif de haut niveau à simple de la lumière à l'ombre. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, messieurs. Adrien, ta phrase de fin. En route pour Bakou. Ouais. Qui est lieu de la finale de l'Europa League. Ah merci, oui, parce que là je peux comprendre. De l'Eurovision aussi. Ouais. C'est en Ukraine. C'est en Ukraine la finale. Ah ouais, on peut déjà réserver l'hôtel. Ça va être sympa, alors. Ça veut dire qu'on va en Ukraine là et on va peut-être retourner en Ukraine. Mais oui, on réserve l'hôtel maintenant. Et puis... Inch'Allah. Enzo. Can I do? Pas mal. Yes, we can. Pas mal. Marco. Can I do too? Mais écoute, j'ai rien de spécial à te rajouter si vivement que la Ligue 1 reprenne. Bah ouais, dans 10 jours, garçon. Et déjà, t'as trophée des champions demain. Pour te faire patienter. Cyril. Et Didier Sénac, le seul unique. Normal. Faudrait essayer de le faire, Didier Sénac. Pourquoi on n'essaye pas? Mais ouais, mais vous voulez pas faire un article à SO Foot et tout sur Didier Sénac? Il a pas Twitter, Didier Sénac. Il est encore plus vieux que toi. Il est plus vieux que moi. Le mec est. Je suis même pas sûr qu'il ait un Facebook, tu vois. Mais il est pas à Lens. Faut voir avec Eric Barrès. Ici, il est dans le centre de formation de Lens. Eh ben, faut appeler le RC Lens. Faut voir avec Eric Barrère ou Xavier Domergue s'ils sont en contact. Non, mais ils ont un numéro de téléphone, le RC Lens, comme les Girondins de Bordeaux. On va le tenter, Cyril, pour toi, cette saison. Promis, on tente. Si vous faites Didier, je me rase la tête. Ça veut pas. Ah, bah alors arrangez-vous, faites-le en même temps, démerdez-vous. Faites déjà la tête tous les mois, alors. En même temps, tu me diras pour les cheveux qui nous restent, c'est pas bien grave. On va le tenter. Ça serait... oh, les gars, c'est radiophonique. Si je dis que je me rase la tête, ça peut avoir un effet, quoi. Allez, messieurs, merci beaucoup. On va aller prendre l'air un petit peu parce que là, commence à faire chaud. Bravo aux je pense que c'est des supporters ultra, mais aux supporters adverses qui sont venus, qui ont applaudi le virage sud sur le Girondin. Ça m'a fait rire. Ils étaient une petite vingtaine et ils ont fait le déplacement. On sait que c'est loin. Des laitons. Voilà. J'ai dit quoi? Oui, non, rien. Voilà, et c'était, on avait su féliciter les supporters bordelais qui avaient fait le déplacement là-bas. Oui. Félicitations à eux, c'était pas la porte à côté. Et le club de Ventspils a tweeté avant le match et après le match deux petits messages assez sympathiques, genre voilà, pour eux c'était un peu Coupe de France, quoi. Tu vois, ils étaient super contents d'être venus, de jouer dans un grand stade, machin, tout ça. Donc voilà, petit club a fortiori, petit club sympathique à suivre les prochaines années. On leur souhaite le meilleur aux laitons de Ventspils. Merci messieurs, donc on se retrouve lundi 20h-21h30, oui c'est ça, 20h-21h30 sur RIG en 90.7 RIGFM.fr. D'ici là on vous souhaite, allez, dernier week-end sans match des Girondins et après on attaque le dur de la saison, c'est-à-dire la Ligue 1, le championnat. Vendredi, je sais plus du tout ce que je dis. Mouillez-vous la nuque pour les recrues. Mouillez-vous la nuque. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Faites attention, allez pas attraper un petit coup de chaud. Bonne soirée et allez Bordeaux.